Et oui, Jennifer, à l'instant sur Channel Inter, on poursuit notre voyage musical avec cette fois-ci Taylor Swift et State of Grace. We'll be right back. belle voix, très belle prestation, Taylor Swift avec State of Grace à l'instant sur Chaîne Inter, 14h pratiquement et 45. Restez avec nous où que vous soyez, on est super ravis que vous nous rejoigniez sur Chaîne Inter. Nous sommes en direct jusqu'à 15h et la suite avec Sting, Soul of Cake. Allez, pour la suite, on va retrouver Bonnie Tyler et Believe in Me. You say you don't believe in signs from up above, and you laugh at the thought of putting your faith in stuff like love. You never see the rainbow, just curse the rain. You say you wanna believe, but it's just not worth the pain today. But that's all fine if that's how you want it to be. But if you're feeling alone and afraid and you can't, never no compromise. That's why this minutes of the days of your life go crawling by. Minutes sur chaîne Inter, dans 10 minutes, le point de l'actualité. Juste après, retrouvez Hicham pour Hello Maroc Success Story. C'est jusqu'à 15h avec cette fois-ci Living in Your Eyes, interprété par Little Big Town. Quiet, sky's too blue. You ain't hiding, but I can't find you. She's on the line, so nothing's changed. Guess there's nothing left to say. Read you like an old gun, standing on the edge, but you can't look down. Just let one tear fall down. That might tell me why you're hanging around. If you remember why we started this, you might remember what you're gonna miss. I read you like an old blind book, standing on the edge, but you can't look. Of the screen door and you're looking out. Oh, I can see it now. Like an old gun, standing on the edge, but you can't. things we may never know. One thing's for sure, that we can't give. Depuis 15h, Nadia Schron au micro, Mustapha Alaoui à la technique. Retrouvez Success Stories, l'émission qui part sur les traces des chanteurs et groupes dont le parcours est exceptionnel. Lundi, on va démarrer la semaine, Inch'Allah, avec Dolly Parton. Et d'ici là, prenez soin de vous, passez un excellent week-end. Dans quelques instants, dans 3 minutes, le point de l'actualité. Juste après, retrouvez Hicham pour Hello Maroc, Ciao et LNT.

Bonjour à tous, nous commençons avec le dossier des intempéries dans notre pays en raison de la coupure de la route nationale numéro 8 entre Imenténout et Agadir, consécutive aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région dans la nuit. Le trafic sur cette route est basculé sur l'autoroute pour permettre aux usagers de rejoindre leur destination en toute sécurité. La Société nationale des autoroutes du Maroc met exceptionnellement en gratuité le tronçon d'autoroute Imenténout-Agadir exclusivement pour les usagers déviés de la route nationale jusqu'à rétablissement de la circulation sur cette route. D'un autre côté, le comité provincial de vigilance de Guelmim indique que les communes de Timoulaye et de Targicht étaient entièrement isolées à cause de la montée des eaux des ouades d'Ifrane et de Tamansort, ainsi que d'autres ouades avoisinants. Il invite les citoyens à éviter les déplacements via ces axes routiers pour leur sécurité. Dans l'actualité internationale, deux personnes ont été tuées aujourd'hui dans des manifestations. Une centaine arrêtées et un général assassiné en Égypte, où des mouvements salafistes appelaient à protester contre la destitution du président islamiste Mohamed Morsi il y a un an et demi. Le franc salafiste qui soutient Morsi et sa confrérie des frères musulmans avait appelé à manifester aujourd'hui pour renverser le pouvoir militaire et proclamer l'identité islamique de l'Égypte. Mais les rassemblements organisés en début d'après-midi après la prière du vendredi ont été limitées dans la capitale et rapidement dispersées par la police qui, avec l'armée, s'est déployée au Caire et dans les grandes villes du pays. En Syrie, plus de 500 civils ont été tués dans près de 2000 frappes menées par le régime syrien depuis le 20 octobre. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui l'OSTH en dénonçant un crime de guerre. L'ONG a appelé la communauté internationale à œuvrer pour mettre un terme aux crimes de guerre et contre l'humanité perpétrés au quotidien en Syrie. Dans le reste de l'actualité, le président français François Hollande a affirmé aujourd'hui la solidarité de son pays avec la Guinée contre Ebola à son arrivée à Conakry pour une courte visite officielle largement consacrée à la lutte contre l'épidémie. « Nous sommes ensemble dans la lutte contre le virus », a dit Hollande. Il s'agit de la première visite d'un dirigeant non africain dans un des trois pays les plus frappés par cette épidémie de fièvre hémorragique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Pour la suite, c'est Hicham qui vous accompagne. Embarquez sur les ondes de votre station préférée. Embarquez sur Chemin Inter. Chemin Inter, la radio qui fait la différence. l'été. Salut tout le monde, heureux de vous retrouver. Merci surtout d'être à l'écoute de Chaîne Inter. C'est parti, nous sommes ensemble comme tous les jours de la semaine jusqu'à 18h avec votre émission Hello Maroc. On ne change pas une équipe qui gagne cette semaine, toujours avec le même duo, mes complices en régie à la technique, Mustapha Alaoui, qui est, croyez-moi, super beau gosse cet après-midi. C'est normal, ça sent le week-end et on connaît Mister Mustapha Alaoui. En tout cas, il est beau gosse avec sa moustache qu'il a super arrangée. J'ai bien fait d'en parler ces deux jours. En tout cas, merci d'être avec nous, Simstava, bien sûr, à la technique, à la réalisation de cette émission, Fatem Zahra Yassine, bien évidemment. Et bien sûr, je vous remercie, vous, de votre fidélité. En tout cas, je vous souhaite déjà une excellente fin de semaine. Cet après-midi, croyez-moi, on va finir la semaine en beauté et on va se marrer, on va se fendre la poire, comme on dit, avec un magnifique duo, un duo de déjantés, tout simplement. C'est un vrai two-man show qu'il nous propose. Il s'agit du duo Les Inqualifiables. Il commence à faire faire beaucoup de bruit. Croyez-moi, avec deux spectacles déjà donnés, le spectacle est baptisé Qui es-tu ? Eh ben, c'est le but justement de cette invitation. Cet après-midi dans Hello Maroc, on saura qui sont les deux Amine et Ubaïd qui forment les Inqualifiables. Croyez-moi, ils sont super dérangés et c'est pour ça qu'on les attend à partir de 16h. Ils ne seront pas seuls puisque, comme d'habitude, les vendredis sont consacrés quand même à la musique et aux jeunes talents et aux jeunes rappeurs qui nous viennent de la ville de Rabat. Il s'agit d'un duo de frères jumeaux, Lasnoul Hussein, croyez-moi, c'est comme ça qu'ils se font appeler. Et le groupe, c'est les Twin Killers. Les Twin Killers, on va bien sûr faire connaissance avec eux, écouter leur musique et connaître un petit peu leur projet des Twin Killers qui se joignent à nous, eux aussi, à partir de 16h. N'oublions pas nos chroniques habituelles. Cet après-midi, en fin de journée, à 17h30, Amina fait un focus sur les tendances Automoto 2015. Vroom vroom dans le journal du design, c'est tout à l'heure à 17h30. Sinon, à 15h40, c'est-à-dire dans 30 minutes exactement, on retrouve Saïda pour le billet de la science et qui nous parle du quadrofoil. Il s'agit d'un incroyable bateau qui vole au-dessus de l'eau. Eh bien, c'est ça, le billet de la science est à 15h40 et dans quelques instants, les sorties cinéma au niveau international. Moi, j'ai envie de démarrer avec du bon son et c'est parti avec les Fine Young Cannibals chez Drives Me Crazy. Et moi, je parle bien évidemment de la musique sur Chaîne Inter. À tout de suite. Don't see me. Monaco. When you said you felt so happy you could die, told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and tonight I still Somebody that I used to know. Ben voilà, ça devient du passé carrément. C'est ce que nous interprète Gauthier et la chanteuse écossaise Kimbra. Merci en tout cas de les écouter sur les ondes de chaîne Inter. Sortie internationale côté 7e mars. C'est tout de suite Amina à l'affiche. C'est parti. Bonjour, à l'affiche, le film Les héritiers de Marie-Cassie Mantiard avec Ariane Ascard et Naomi Merlan. Un film inspiré d'une histoire vraie, ça se passe au lycée Léon Blum de Créteil. Une professeure décidait de faire passer un concours national d'histoire à sa classe de seconde, la plus faible. Voilà qu'elle rencontre plusieurs choses qui vont transformer sa vie. Elle s'appelle Anne, elle est professeure d'histoire et elle décide contre toute attente d'inscrire l'une de ses classes au concours national de résistance. Concours que la classe d'Ahmed a remporté dans la deuxième catégorie réalisation du travail collectif. Et très vite intéressée par le projet, eh bien la réalisatrice a pris contact avec cette enseignante un peu spéciale. Jeune fille sous la veste, merci. Foulard, s'il vous plaît, merci, bonjour. La seconde 1, c'est une catastrophe. Il y a trois rapports disciplinaires à viser en urgence. Je m'appelle Madame Degen. J'ai réfléchi à un projet qu'on pourrait faire tous ensemble. Un concours. C'est le concours national de la résistance et de la déportation. Ça a l'air d'être un truc d'antello, ça. Vous savez très bien qu'on va se planter. Pourquoi vous voulez qu'on se tape la ronde? Pourquoi vous faites ça? C'est bizarre parce que moi j'ai beaucoup plus confiance en vous que vous, vous n'avez confiance en vous-même. L'histoire de cette classe de seconde du lycée Léon Blum a tout d'un récit de cinéma. Considéré comme la pire seconde du lycée, Ahmed Dram et ses camarades font vivre un enfer à l'enseignante d'histoire remplaçante. À la surprise générale, lorsque leur professeur revient, elle leur propose le concours national de la résistance et les amis sont mitigés, les lycéens plutôt sceptiques. Vous trouvez ça bien raisonnable de faire passer ce concours à votre seconde ? Moi, je vois ça comme du temps perdu, puis du temps que vous pourriez consacrer à d'autres élèves qui le méritent plus. C'est meilleur ce qu'on a fait, tu peux remballer tout au travail. Vous ne vous parlez pas, ça ne change pas. Il ne faut pas en parler comme des élèves, il faut en parler comme des enfants. Chacun avec sa différence et avec sincérité. Et ça, je sais que vous êtes capable de le faire. À travers les livres, les films, les documents, tout ça. C'est un peu comme si on faisait des rencontres. Après la réussite au concours avec sa classe, voilà qu'il décide de courir les castings et obtenir un premier rôle dans le film Les Petits Princes. Il y découvre le fonctionnement des films et la nécessité d'un scénario et se lance alors dans l'écriture de son propre scénario à 17 ans. Après plusieurs rejets de boîtes de production, Ahmed Dram rencontre Marie Castimans-Sianchar, ce qui constitue le début de l'aventure des héritiers, notre film d'aujourd'hui. En plus du concours, Ahmed a été le premier de sa famille à obtenir son baccalauréat. À demain pour un autre film sur Channel. Jamais ça. Have to give this vision. de l'art, de la culture. Laissez-vous guider. Here we go. Damn, here we go again. Loving you has caused me so much pain. But you don't see it. You never see it. So why apologize? I was just doing what I had to do, baby. And I for an eye. God knows I never meant to hurt you. So I know why you crossed the line. Oh, but girl, I never dreamed you'd cheat on me. But I apologize. Don't apologize. Over the pain I put you through. What you do it to? What I did to you? I did the same to you. Il aura fallu quand même attendre un peu plus de 20 bonnes années avant de les retrouver ensemble. C'est de la magnifique duo qui réunit Toni Braxton, la diva avec Babyface, Hurt You. Ça, c'est du son et que vous écoutez évidemment sur les ondes de chaîne Inter. Il est 15h passé de presque 42 petites minutes et tout de suite un focus sur le quadrofoil. Il s'agit d'un incroyable bateau qui vole au-dessus de l'eau. Plus de détails avec Saïda dans le billet de la science. Bonjour à tous. Envie de vous envoler? Pas besoin de prendre l'avion pour cela. Dorénavant, un bateau nouvelle génération peut en faire tout autant. Explication dans le billet de la science. Ces temps-ci, on commence vraiment à planer. Vous avez envie de vous déplacer en skate? Optez pour le hoverboard, digne de Retour vers le futur 2. Sinon, vous pouvez prendre votre voiture et traverser par les airs, car les chercheurs slovaques ont inventé la voiture volante. Maintenant, c'est le bateau qui ne flotte plus, mais qui vole. Le véhicule se balade entre les îles sans avoir à flotter dans l'eau. De quoi frimer sans problème. Cette fois, l'invention nous vient de Slovénie. Le quadrofoil est un hydroptère électrique qui permet de flotter, mais dans les airs, au-dessus de l'eau. Ce phénomène est possible tant que le bateau atteint et stagne à la vitesse de 45 km à l'heure. Sa batterie lui permet de tenir une centaine de kilomètres. Les quatre bras en aluminium transforment ce bateau en hydroptère, c'est-à-dire qu'il se maintient en équilibre hors de l'eau à partir d'une certaine vitesse grâce à ses ailes qui fonctionnent sur le même principe qu'un avion. Les ailes portent donc un navire de 220 livres hors de l'eau, l'équivalent d'une centaine de kilogrammes. Niveau technologie, la recherche ne s'arrête pas là. Le bateau intègre un écran tactile sur le volant et une coque en fibre de verre creux que la société Quadrofoil estime insubmersible. Sauf qu'il est déconseillé d'utiliser ce bateau quand les vagues dépassent 1,6 m. Ce bateau a beau être digne d'un film de science-fiction, il a l'avantage non négligeable d'être écologique. Pour en profiter, il faut un plan épargne solide, car il existe deux modèles. Le premier coûte 15 000 euros et le second atteint même 22 000 euros. La société indique qu'il ne reste plus que 96 bateaux disponibles. Pour l'instant, ce n'est que la précommande. La livraison du Quadrofoil est prévue pour mars 2015. Like the legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Force from the beginning. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Et voilà la belle époque du groupe Texas qu'on vient d'écouter avec Say What You Want. Merci en tout cas de rester avec nous sur Chaîne Inter et merci à ceux qui viennent de se brancher sur la bonne fréquence. Et ça tombe super bien, on s'adresse aussi à ceux qui sont sur la route ou qui comptent prendre la route en direction du sud. Petit communiqué de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc qui informe le grand public que vu la coupure de la route nationale numéro 8 entre Imintanout et Agadir, le trafic sur cette route est basculé sur l'autoroute pour permettre aux usagers de rejoindre leur destination en toute sécurité. Et bien sûr, autoroute du Maroc, mais exceptionnellement en gratuité, le tronçon d'autoroute Imintanout-Agadir, exclusivement pour les usagers déviés de la route nationale jusqu'à rétablissement de la circulation sur cette route, puisque on le rappelle encore une fois avec l'information concernant cette nuit, des pluies torrentielles donc sont prévues à travers le royaume du Maroc, donc soyez super vigilants. On renouvelle encore une fois nos conseils aux usagers de la route pour redoubler de vigilance en cette période de forte pluie. On le rappelle, donc la route nationale numéro 8 est coupée entre Imintanout et Agadir, et justement ADM met exceptionnellement la gratuité sur le tronçon d'autoroute Imintanout-Agadir. Moi, je rappelle encore une fois que le retour de l'info sur Chaîne Inter est prévu dans 7 petites minutes. Et on rappelle aussi les invités. Tout à l'heure, à partir de 16h, on reçoit le duo Two Man Show. C'est comme ça qu'on peut les qualifier. Ils sont rebattés, ils sont déjantés. Ils s'appellent les Inqualifiables. Croyez-moi, c'est des fous de l'humour, tout simplement. Et on aura le plaisir de faire leur connaissance. On aura aussi le plaisir de recevoir le groupe de rap Twin Killer. Bien sûr, on va écouter leur morceau aussi. Restons en musique. Christophe Maé, c'est parti. Elle m'a trouvé bien futile. has got to you. Des clubs de la FIFA présenté par Toyota est de retour au Maroc. Du 10 au 20 décembre 2014, le Real Madrid, San Lorenzo d'Almagro d'Argentine, Cruz Azul du Mexique, Auckland City de Nouvelle-Zélande, l'Entente Sportive de Sétif d'Algérie, Western Sydney Wonders d'Australie, ainsi que le Maghreb Athlétique de Tétouan, vainqueur de la Botola, s'affronteront pour le titre mondial. Rendez-vous avec les plus grands du football arabe et à Marrakech pour vivre la Coupe du Monde des clubs de la FIFA Maroc 2014, présentée par Toyota. Merci de rester à l'écoute de Chaîne Inter. Il est au juste 16h. Un nouveau point sur l'actualité. Ahmed Chiratef. Madame, Monsieur, bonjour. Les travaux de la deuxième édition du Forum mondial des droits de l'homme se poursuivent toujours à Marrakech. La cérémonie d'ouverture hier soir de cette manifestation d'envergure a été marquée par un message adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI aux participants. Message dont lecture a été donnée par le ministre de la Justice et des Libertés, Mustapha Ramid. Dans ce message, le souverain a notamment estimé que l'Afrique est suffisamment mûre pour tenir toute la place qu'elle mérite dans l'architecture mondiale des droits de l'homme et y assumer pleinement son rôle. Sa Majesté le Roi a également affirmé qu'une approche globale et non sélective des droits de l'homme peut constituer un apport fondamental à la veille d'importantes échéances internationales. En ce qui concerne l'expérience marocaine, Sa Majesté le Roi a rappelé que le Maroc a souverainement choisi d'engager des réformes profondes et volontaristes répondant aux aspirations et aux attentes des citoyens. Le message royal représente une véritable feuille de route et une vision pour les réformes à venir, a affirmé le président du Conseil national des droits de l'homme, Driss Lyazami. Plusieurs participants et plusieurs éminentes personnalités ont également salué le message royal. Des agents de la protection civile ont poursuivi dans la commune de Targawassé, à environ 32 km au sud-ouest de Guelmim, leur action pour venir en aide aux populations sinistrées à cause du débordement du fleuve Assaka. Cette opération s'inscrit dans le cadre des hautes instructions royales adressées aux autorités compétentes pour prendre les mesures nécessaires afin d'apporter toutes les formes d'aide et de soutien aux populations touchées par les inondations. Le président français François Hollande a affirmé aujourd'hui la solidarité de son pays avec la Guinée contre Ebola à son arrivée à Conakry pour une courte visite officielle largement consacrée à la lutte contre l'épidémie. La France, sur un autre plan, reconnaîtra l'État palestinien. C'est ce qu'a réitéré aujourd'hui devant les députés le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, en insistant sur la nécessité de mener des tentatives ultimes de négociation qui devraient, selon lui, aboutir à un règlement définitif du conflit dans 2 ans. Fabius s'exprimait à l'issue d'un débat à l'Assemblée nationale française sur un projet de résolution très symbolique invitant la France à reconnaître l'État palestinien. Le ministre italien des Affaires étrangères, Paolo Gentiloni, a annoncé aujourd'hui à Rome le lancement du processus de Khartoum impliquant l'Union européenne et des pays de la Corne de l'Afrique dans la lutte contre les causes et les travers de l'immigration clandestine. Le processus de Khartoum regroupe les pays de l'Union européenne, ceux de la Corne de l'Afrique, d'où partent chaque année des dizaines de milliers de migrants, ainsi que les pays de transit, soit un total de 10 pays du continent africain. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Prochain flash tout à l'heure à 17h. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Marrakech accueille du 27 au 30 novembre 2014 la 2e édition du Forum mondial des droits de l'homme. Un événement d'envergure mobilisant responsables gouvernementaux, parlementaires, ONG, institutions internationales et régionales, répartis sur plus de 200 espaces de discussion, de rencontres et de formation. Retrouvez la programmation complète sur le www.fmdh-2014.org. Marrakech accueille le monde. Le Maroc célèbre les droits de l'homme. Toujours plus jeune, chaîne Inter. Way back when we started, there was a part of me that knew one day there'd be heartache. And I would lose myself to you. And I walked all night, lost in the silent city lights, thinking of you, wondering will I lose my mind. After all, I'm excited that you're in my life again. I'll catch you when you fall. Ben voilà, deux générations différentes et deux Canadiens, un rocker et un crooner, Michael Bublé avec Bryan Adams. Merci en tout cas de les écouter sur les ondes de chaîne Inter et heureux de vous retrouver. Merci, bienvenue à vous si vous venez de vous brancher sur la bonne fréquence et moi je vous le dis déjà, bon week-end. J'en profite aussi pour rappeler à ceux qui prennent la route et en direction du sud que la Société Nationale des Autoroutes du Maroc informe le grand public que vu la coupure de la route nationale numéro 8 entre Emintanout et Agadir, le trafic sur cette route est basculé sur l'autoroute pour permettre à tout le monde de rejoindre les destinations en toute sécurité et bien sûr autoroute du Maroc, mais exceptionnellement en gratuité. Ce tronçon entre Emintanout et Agadir exclusivement pour les usagers déviés de la route nationale jusqu'à rétablissement bien sûr de la circulation. Et encore une fois, cette nuit du 28 novembre, des pluies torrentielles sont prévues. Encore une fois, on renouvelle nos conseils aux usagers de l'autoroute pour redoubler de vigilance en cette période de forte pluie. Et j'espère que le message est reçu 5 sur 5. Je vous fais confiance. 16 heures passées de 10 petites minutes. Bien sûr, je vous rappelle que dans quelques instants, on attaque, on démarre avec les invités de cette fin de semaine. Un duo qui vient nous parler de leur carrière. Ils font du rap, ils sont frères jumeaux, Hassan Ul Hussein, et c'est le groupe Twin Killer qu'on reçoit dans quelques instants. Bien sûr, dans un autre registre, celui de l'humour, celui de Two Man Show, on reçoit un duo de déjantés, Amine et Obeid. Ils se font appeler les Inqualifiables. Croyez-moi, on a le plaisir et on a hâte surtout de découvrir les deux personnages. En tout cas, nous, on reste en musique avant de démarrer avec les Twin Killer. Il s'agit là de Abder, ce jeune Marocain installé en Belgique. Juj Kelmet, c'est sur chaîne Inter. عندي ليك جوج كلمات يا لالة لبنات، قلبي دب وعليك مات يا لالة لبنات.

Eminem, Snoop Dogg, Tupac. نتوما Eminem باسكو كنا كنهضروا قبيله قبل ليميسيون بان لي Eminem هو اللي وقيلا خرج عليكم زعما هو اللي Eminem اللي بلاكم بالراب ياك. يعني Eminem كنا كنسمعوا ليه بزاف حتى ملي تنقلدوا حتى الاغاني ديالو تنصوروا مثلا ملي تنلقوا الموسيقى ديالو تنبقاو نلعبوا عليها واخا حنا ما تنغنيوش كدوبليو داك الموسيقى فوالا كتلقوا الموسيقى ديالو ديروا بحال الكليب ديالكم نتوما كنتو كتصوروا راسكم نتوما ولا الدراري ولا مع كنا كنصوروا راسنا ومع الدراري ثاني كانوا معنا الدراري ولكن يعني دوك الدراري ماشي ديال الدومين المهم هذا الشيء في الصغر يعني راه ضروري. وعلاش Eminem بالذات؟ Eminem كلشي كيعرف راه Eminem يعني عنده مشاكل اصلا ديالو هو يعني فاش كيغني راه كيغني على المشاكل ديالو تيقيس بنادم يعني دابا تفسح راه تقول لهم Eminem راه يقول لك راه داك السيد راه واخا امريكان وكيغني باللونجلي يعني راه عنده هو سكيزو هو في Eminem وسليم شهيدي دونك انتم شكون اللي كتفضل Eminem ولا سليم شهيدي؟ Eminem سليم شهيدي سي با لو ستيل ديالكم الثقافه يعني عنده ديك الثقافه داكور موان قاصح كو Eminem Eminem يعني يا من لوزر سيلف يعني اللور اما دابا ما باش كنفهم واخا ما كناش كنفهموا اللغه ديالو ديك الساعه كنا باقيين صغارين ما فاهمين والو كان تيعجبنا ديك الفلو ديالو دونك ديجا الميلودي ديجا الموسيقى ديال الراب هي اللي اكروشاتكم فوالا دونك ومن بعد عاد وليتو كتقلبوا شويه كتفهموا لونجلي كتقراوا لي تيكست باش تفهموا ولا كنا تنتيريو يعني لي بارول كلهم وتنترجموهم ولا كنمشيو عند شي استاذ بحال هكا بعض المرات تلقاو شي مرادفات سيئه يعني ما ماشي تالي تنحاولوا نبعدوا على ديك الثقافه صافي تنترجموها اللي غادي اللي كيقيسنا يعني فهمتيني يعني المحور ديال الموضوع ديالو هو اللي كنترجموه على دونك 2005 دونك فوالا جات كما تيقولوا البليه ديال الراب 2008 بديتو كتسجلوا دونك بحال هادشي اللي هضرنا عليه نسجلوا ولكن يعني ماشي شي خدمه بروفيسيونيل كتسجل عند واحد يعني عنده استوديو صغير بحال هكا ما كتلقاش يعني عنده خبره دونك كنت انالي فهمتيني حتى 2012 يعني عاد 2012 بديتو الخدمه بروفيسيونيل زعما كنا نقولوا بروفيسيونيل كتخدموا مع من ستوديو اللي كتسجلوا فيه ديجي واس داكور دونك ديجي واس اللي كتخدموا معاه ان توكا غادي ندير واحد لابتيت بوز اون ميم طون غادي نسمعوا لواحد المورسو دونك غادي نمشيو كرونولوجيكمون ماشي مع التاريخ دونك غادي نمشيو الاول مورسو دونك اللي عندنا اللي هو فيك لوف فيك لوف اللي خدمتو مع واحد لا جون ارتيست اللي تنعرفوها اللي هي ليلى عكاف دونك فيك لوف كله يهضرنا على هذا المقصود هذا قبل ما نسمع الحسين يعني لوف وقيل الحسين سبيسياليتي ديال الحسين يعني ديك القصه يعني بزاف الناس يعني كنكتب بزاف الناس قالوا لي علاش ما تغنيش راب قليل اللي كان كيغني الرومونتيك يعني حيت لي رابور اون جينيرال ما تيقول لك ما كتهضر مع داكشي ديال السنتيمونتال يقول لك لا انا ما كنهضرش على لي سنتيمون تيقول لك انا اونتي سيستيم فوالا كاينش الحب وداكشي ما يمكنش زعما قاصح انا غنيت على شي حاجه يعني تيجي عندي اي واحد تيقول لي راه عندي قاصني شنو الموضوع ديالو صافي تنكتب وتنوري الناس يعني ماشي تنكتب ليا وتنخلي داكشي بورتون ما كتحشمش لا عشان طالب بنادم ما كاين اللي تيحشم بعد يوري داكشي ديالو الناس اللي غادي يشجعوني اما الناس اللي يعني اللي ما فاهمينش الراب راه داك راه بلا ما نسولو العائله ديالك كتوريهم كتستشر معاهم ضروري عندي الوالده هي الاولى كنكتب هي الاولى هي الفان الاول عندنا هي الوالده هي وقيلا الفان الاول وهي المونتاج الاول حتى هي حتى هي كتعاونا في لي بارو لا برودكسيون مادر برودكسيون فوالا صافي يعني الله يخلي عليكم اللهم امين خلي كاع جميع المسلمين يعني تنكتب وتنوري للناس يعني بشويه بشويه تا كملت يعني كملت التراك كامل الكوبليات بالانترو بالاوترو الروفران كانت عندي ولكن ملي تلاقيت يعني مع ليلى عكاف لقيت الستيل ديالها غادي يمشي مع الستيل ديالي انا يعني حتى فاش عطيتها لي بارول عجبوها صافي بدينا الخدمه بحال هكا واخا كانت يعني البعد انا كنت في سلاوي كنت في حي الرياض راه مسافه صافي بدينا بشويه بحال هكا واحد النهار المهم سمعتي واحد النهار مشينا للستوديو على اساس يعني نشوفوا الستوديو داكشي تاخيتها ثلاث الروفران ثلاث الخدمه ديالها شلات دار داكشي ديالها هي وسمعتي التراك يعني تقدر تجير كاع مع راسك تقول انا واخد يعني غير الريميكس فهمتيني مع النيفو ديالها ديك الساعه كان عندي نيفو طايح خوك داك سجعتني وخدمت معايا يعني عندك مساله ديجا اللي خدمت معكم باسكو كنعرفوا كامل ليلى عكاف واخا هي صغيره واخا هي جون فوكال ديال لو جروب فيس عكاف مي هي سي لا بلو جون بروفيسور دو بيانو تواضع اي اون واليكوتي دونك اون ديو مع لو جروب توين كيلر دونك لو تيتر اي باتيزي تو سامبلومون فيك لوف زعما شنو الحب ماشي فري ماشي فري ليميتاسيون وشنو علاش الحب ما كتيقش به انت ولا لا كنتيق فيه ولكن ماشي الحب المزيف، الحب المزيف عند البنت. علاش زعما هي ما تتبغيش، هو كيبغيها وهي ما كتبغيش. كنمشيو للمحور، الحب ما كاينش غير فهاد القضيه، فهاد السيتوياسيون هذه. فهاد القضيه يعني هو كيبغيها وهي كتبع المال، كتبع الفلوس. ايوا واش غدير؟ الله يهديها الله يهديها. اون فالي كوتي فيك لوف لي توين كيلر اون ديو افيك لي لاكاف، سي سور شيل انتر. جينا النوم قلبي كل نهار رد لي اللوم مسيتك خبر كرا الحب بطعاد تمنى من الله نقول ليك حبيب وزاري صرف حب صرت معاك انتي حبك تهدى بيتي ما هنتي تايا الناس تقول انا والله ما يهمني تهمني انتي حتى انتي اللي نبغي ما نقدر نصور حياتي بعيد عليك ولفتك يا العمر انت تعني خانيك انا خايف ونصدم في اجمال احساس مقاتقة في الحب حل جميع الناس انتي رانا نبغيك هذا هو الاساس بريك كان بغيك ولا خلينا ليك عيدتي ما نحاول معك مساهم ليك بالي هاد الشيء محال شحال يجمعات من التهافية يا رب تسخرنا إلى هذا الكيان دابا تدور الأيام وتعرفيني مزيان وكان فوت على أيام زمان زمان ذكريات عرفت هذيك أوقات أصعب ما فيهم اللي هزرتيني بالذات سبب كان أيام طيح الفلوس على البنات الحوف هاد زمان نرطح ليه الشم Voilà, bravo, moi je les applaudis, franchement, on rappelle quand même aux auditeurs que ça c'est du son, c'est des maquettes que vous écoutez avec les jeunes talents sur chaîne Inter, et bien sûr, il y a quand même un gros effort de travail, et bien sûr, il y a de l'idée, il y a de la mélodie avec ce duo Twin Killer, avec cette magnifique chanson baptisée Fake Love, avec la voix de Leila et Kef. Voilà, t'as comme ça, donc ça démarre bien, donc ça c'est le premier single, les Chijlo, donc les Twin Killer, donc travail, voilà, donc on va dire assez professionnel. Alors le groupe est quand même 2012 date officiellement. Et comme quand même besoin de musharakat f meharajanat. Rebhato quand même htaja iza donc f 2012 مشاركنا يعني مع المشاركين يعني حتى لينا المرتبة السادسة. المهم شفنا حنا شفنا النيفوات شفنا المستوى ديال سماجو بقينا خدامين قرب تقريبا قرب الفستيفال ديك 4 شهور فحال هكاك خدمنا عليه بالمزيان وجدتيو الفستيفال وزدنا الفستيفال واصلا مشيتو في الاول درتو بحال هكا شفتو القضية كيفاش دايرة ومن بعد وجدتو ورجعتو لا في الاول شاركنا يعني عادي يعني ماشي هكا علينا والو بعد خصتو داك 4 شهور خدمتو 4 شهور خصنا الفستيفال وكانت النتيجة ديالي هي الجائزة فوالا دونك ربحوا دونك هذا سي تري سامبل مورال ديال ليستوار باسكو كنحاولوا ديما نعاود نذكروا هنا هي با دو سيكري دونك الخدمة لو ترافاي الواحد إلا بغى شي حاجة يوصل ليها خصو يخدم عليها حتى حاجة ما تجيب وحديها سي الحسين فهاد الفستيفال هذا يعني فاش شاركنا عرفنا حنا راسنا يعني حنا الأولين يعني بلا ما يقول لنا شي واحد ولا حد بان نيفو الثقه في النفس كاينه اه ضروره الثقه في النفس ثاني حتى هي خصها تكون بلاطوز كان بعدا كانت الخلعه وداك الشيء في الاول ولكن ملي سالينا حنايا الاغنيه وداك الشيء ان الجمهور وقف بدا يصفق علينا شفتوا بين الامبيونس ما حبست حتى دخلت المقدمه قلت لهم بركه صافي بركه صافي واخا نقول لهم بركه وبركه قلت لك صافي من تما واخا كان ديك 75% عرفنا حنا غنديو ولكن النهار ديال الجوائز جات عندنا واحد السيده من التنظيم من اداره داكشي ديال المهرجان وي تقولنا راكم نتوما اللي ديتوها ما بغيناش نعرفوا سميتها لا لا اصلا ما عرفت سميتها انا اصلا ما عرفتش ليك حسن ليك ما تعرفش السميه ديالها كرومو حنا وما سمعنا بهذا ان توكا دونك شفتوا الامبيونس شفتوا كيفاش لو بوبليك رياجي من بعد وكانت مستويات ديالكم دونك قلتوا فوالا دونك كنتوا كيف ما قلتي واثقين واحد على الاقل 70 ولا 80% حيت كانت المستويات كانت كبيره وثاني كان النيفو طالع بزاف كنا جايين من طنجة جايين يعني ديك الساعه يعني ثاني واحد غيداول تسلا ثاني واحد فوالا لي توين كيلور لينا حنا ملي يساولوا لي توين كيلور دونك خويا الطريق لي توين كيلور ديبارك الوغ توين كيلور انتم جوج خوت توام كديروا الراب بجوج بديتوا اون ميم طون كتهضروا على مواضيع في الكتابه شكون اللي كيكتب اكثر من الاخر ولا كيفاش كتخدموا لا كنخدموا انصومبل يعني اول حاجه تنبداو الكتابه يعني بموضوع تشوفوا الموضوع قدر بعض المرات ندابزوا على هذا الموضوع على يعني غير باش نبداو داكشي اللي بغينا نعرفوا حتى حنايا واش كتفاهموا واش ما كتفاهموا لا اغلبيه ديال تقريبا ما كنتفاهموا حتى كنساليو الخدمه كتفاهموش في وسط الخدمه ما كاين غير عطيني نعطيك ما عجبتنيش نقدر نغوت عليه انا نقدر دور فيه دور فيك ولكن ما كاينش بيناتنا ذاك بعض المرات غير على الخدمه زعما بعض المرات نوصلوا ما تبقاوش نهضروا كاع كتخاصمو تنتخاصمو بروفيسيونيل لو ديت شي كلمه ولا لو ديت شي قافيه ما عجبتنيش هو عجبته صافي مالكم ما عجبتنيش القافيه لا مال الدار ما تعرفوناش راه الخدمه غير على الخدمه يعني وصلت تنساليو الخدمه صافي ملي كتكونوا مخاصمين كتجلسوا تتدا ولا تعشاو مع الدار كتهضروا ولا لا هذيك ديال المدليه هذيك راه باينه حنا عمرنا ما تنقطعوا الهضره ولكن ما كتشوفش لا عمرنا ما تنقطعوا الهضره ولكن كتكون ديك بالنفخه كما شنقولوا نعطي الحاجه هاك يعني ماشي هكا خويا دابا لا تخاصمنا كدوز 24 ساعه شكون اللي شاد تقول دابا لا تخاصمنا انا وياه ما توصلش يعني 24 ساعه وما تنهضروش يعني من تقريبا عند خاصمنا انا وياه نخرج ندخل نرجع نهضر انا وياه حيت خوت حيت ديما غتبقاو خوت سي توتا في نورمال وكيتناقشوا على الخدمه اي سا اوسي سي توتا في نورمال علاش كاين الحب توصلوا شي حاجه مزيانه توصلوا كاليتي مزيانه التكست يكون زوين سي نورمال يكونوا تيتناقشوا غادي ندير واحد لا بتيت بوز وكنعاود نذكر بان اليا دو بيرسوناج اللي تغادي يلتحقوا بينا حتى هما مي كروي مو تو مي سون فو دونك مرحبا بيا فون ابلي لي زانكاليفيابل تو مان شو دو سبيكتاكل كي اون كارتوني ريسامون اي كروي مو سي دو بيرسوناج ا ديكوفرير لي زانكاليفيابل سور شين انتر سي سو فوندردي ابريميدي بور فينير لا سيمين ان بوتي دايور جون بروفيت بور فو سويتي ان اكسيلون ويكاند اي اون فا تو سويت ان بروفيتي بور ايكوتي لو مورسو ديال لي توين كيلر غادي واحد التحيه لكاع لي مامون لي كيتصنتو علينا حيت لو مورسو لي غنسمعو ليه سميتو نيت المهم Voilà. Il y a quelqu'un qui tousse au studio, c'est tout à fait normal. Hein, donc voilà, donc c'est une jeune chanteuse qui est avec nous, elle s'appelle Kantar, c'est l'ami hein, du groupe Twin Killer. En tout cas, le Mouima a dit qu'il y a une histoire de morceau. Ah, une histoire vraie. On va dire qu'il y a une histoire de morceau qui fait que tu as un gel ou qui va se faire. Voilà. C'est l'Islam. هاد الاغنيه هادي كانت واحد ديال واحد القصه ديال واحد السيده كانت مريضه بالسرطان هاد السيده ما عندهاش الامكانيات يعني تعذبات وما بغاش تبين ان العذاب ديالها للولاده ما بغاش تبينوا لهم صافي حتى واحد النهار ان يعني ما كاينش كان فيها الكونسير وني خباتها على ولادها حتى واحد النهار يعني بان المرض بان ما بقات ما تخبي صافي الدراري بداو يتفاهموا يعني شافوا ان الام ديالها ما غاديش غادا تضيع غادا تمراض داكشي واحد خرج من القرايه الاخرى حتى هي خرجت بجوج مخدمه بداو كيعاونوا واخا العائله كانت تعاونوا كيما كان شي كود بوس لي كان يكشف واحد كما تنقولوا حنايا صافي المهم جا الاجل ديالها مسكينه توفات يعني ما بقى لا اب لا ام صافي ديك الساعه الدراري كبروا هما كبروا يعني ملي شافوا داكشي كبروا وهذا السيده اللي توفات من العائله ديالكم هذه من العائله ديالكم هذه قصه ديال بصح واقعيه اللي عشتوها نتوما ملي توفات حنا اصلا كنا كاتبين حنا كنا كنعيشوا مع داك المرض داكشي كاتبين الاغنيه ولكن النهار اللي توفات يعني الاغنيه ما كانتش عندها نهايه درنا لها الختيمه درنا الختيمه سيمانا وحنا نسجلوا Et ben voilà, ça donne ça, ce morceau, baptisé le Mouima, par les Twin Killer, que vous écoutez sur chaîne Inter. Et je rappelle que dans quelques instants, les Inqualifiables se joignent à nous. Excellente écoute à tous. بغيت نقول هاد الغناية كلها ليك ومزين مازال في الهضرة نحاول نقصر في كلامي نزيد في الرحمة عليك ونطلب توصل العالي بغيت نحب في نطوف قبرك شهور ليالي لعلي زول همي تبقى هي الأمة ديالي فين أمي اللي كانت بغات تشوف تحقيق أحلامي فين أمي اللي ساعة بدونها محال تسالي فين أمي اللي بغاتني في يوم طول منالي محال أمي انتي ننساك محال تفرق خيالي عشت 10 و7 سنين كنت في حضنك نايم دازت بحلة كنت مع ورود نشم من سايم بعدك نعيش نولي مشتاق هايم سافاش مشيتي ولات في الديور عايم مقاسي العذاب في ديور الناس وباقي مسين مسين طيفك بان في منامي وكلامي باين وصي كل واحد عنده ميته الى خيالها حيديك راحته ماشي حتى تروح هادي يندم يبقى مجروح عايش بالهمة مشيت ايام القهرة في سلا وانتي كتعاني دازت عليا في النهار شفتك وانتي كتعاني مليوحة في سبيطار وشكون يداف حالك نحلم لرحيم ولا حتى طبيب يرأف بحالك يومين وانتي في خطر والناس تضحك قبالك كحالة الدنيا بعيني قبل من الموت ديالك مليون دمعة نزلات نهار متشي وانا قبالك سدو بيبان الدنيا فوجي بقولو مالك عييت مليت من هاد الدنيا وانتي بعيدة عييت مليت من هاد الدنيا حياتي وحيدة اشكون اللي واتيتي ويتام ونسيتي همو اشكون اللي واتيتي مسكين ونار شعلة دمو قلبي غير بغاك كيف ندير ننساك وانا بالي غير معاك قلبي حزيني لأحلى سنين ايام اللي كنا انا وياك وخويا لتوين كل واحد عنده ميته إلى خيالها حيديك راحته ماشي حتى تروح هادي يندم ما يبقى مجروح عايش في الهمة أمي ما سهرت ليالي وما زال نطلب الرب العالي قلبي سال تمنيت نشوفك ولو مرة من اللي غبتي عشتي وليت مرة راني نبكي بالليل ونزيد النهار من اللي غبتي منامي من عيني طار نسيتي شحال عانيت تال الصباح نسيتي وشحال سهرات باش ارتاح وصي كل واحد عنده ميته الى خيالها حيديك راحته ماشي حتى تروح هادي يندم ما يبقى مجروح عايش في الهمة دايما الام كلمة سهلة غير الفم واسبرو Everybody wants you. Who can really play? dancers in the stands. Shady man, don't massacre the fans. Damn, I think Kim Kardashian's a man. She stomped him just cause he asked to put his hands on a massive Gluteus Maximus again. Squeeze it in, switch it in, pass it to a friend. Can he come back as nasty as he can? Yes, he can, don't ask me this again. He does not mean to offend. But Lindsay, please come back to seeing men. Samantha's a two, you're practically a ten. I know you want me, girl, in fact, I see a grin. Now come in, girl. Telling me tenderness? Well, I can be as gentle and as smooth as a gentleman. Give me my Ventolin inhaler and two Xenadrin, and I'll invite Sarah Palin out to dinner then. Rayla, baby, say hello to my little friend. Brit, picket cape, and let's cut out the middleman. Forget him or you're gonna end up in the hospital again. And this time it won't be for the Ritalin binge. Forget them other men, girl, pay them little attention. A little did I mention that Jennifer's in love with me, John Mayer, so sit on the bench. Man, I swear them other guys, you give them an inch. They take a mile, they got style, but it isn't slim. You're checking me out, and baby, you know you want me to. Don't try to deny it, baby, I'm the only one for you. Damn girl, I'm beginning to sprout an alfalfa. Why should I wash my filthy mouth out? You think that's bad? You should hear the rest of my album. Never has there been such finesse and nostalgia. Man, Cass, I don't mean to message a gal, but Jessica Alba, put a bit of my mouth, bro. Wowzers, I just made a mess of my trousers. And they wonder why I keep dressing like Elvis. Lord help us, he's back in his pink. Looking like someone shrinked his outfit. I think he's about to flip. That's the car, rest assured. Superman's here to rescue ya. Can you blame me? You're my Amy, I'm your Blake. Matter of fact, bake me a birthday cake with a saw blade in it to make my jailbreak. Baby, I think you just met your soulmate. Now break it down, girl. Voilà pour faire plaisir à nos invités. Ça, c'était du son que nous livre Eminem avec We Made You. Et toujours, Mali Twin Killer. Ça va, Dereli Twin Killer. Impeccable. En tout cas, Mazar, on a rejoué les Twin Killer. Et Mazar, on a rejoué deux autres morceaux dès le groupe Twin Killer. Mais bien sûr, juste avant, et comme je l'annonçais tout à l'heure, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois, et je suis sûr que ce ne sera pas la dernière sur chaîne Inter, un duo de déjantés, un two-man show. C'est comme ça qu'il faut baptiser le spectacle qu'ils ont donné et qui a cartonné. Et on va en parler d'ailleurs dans quelques instants, et c'est un plaisir de recevoir les Inqualifiables. Marhaba bikoum ma'ana les Inqualifiables. Merci à toi. Ça va les amis? Merci, ça va très très alors, bien. Les Inqualifiables, avant bien sûr d'en savoir un peu plus hein, sur l'appellation, sur les personnages, voilà Boudamandmohom. Donc nous avons avec nous Amine. Ça va Amine? Très très bien, alhamdoulilah. Amine qui prépare donc un master en management tout et marketing. Tout à fait, tout alors, à fait. Voilà, ça, apparemment, Marsnish n'goul smiya dial madrasa. Eh ben voilà, tant mieux, on est rassuré ben demain c'est voilà. C'est très important. Ça démarre sur une note positive. Parfait. En tout cas, Amine, et il y a bien sûr Obeid. Ça va, Obeid? Ça va très très docteur bien. Docteur Obeid, attention. Doctorat en médecine. Voilà, donc tu vois, je suis très bien. Obeid, merci. Obeid et Amine, les Inqualifiables. Je suis un petit peu l'historique et comment vous vous êtes rencontrés, comment ça a démarré, pourquoi les Inqualifiables déjà? واخا pourquoi les sacalis dis-moi la question c'est sûr pourquoi cette émission ne sait pas pourquoi rien là qui suis-je pourquoi le mec il met une moustache pourquoi هادشي الناس ما عارفينوش اتونسيون هادشي الناس ما عارفينوش عارفينش بلي خشب راه عرعر هنايا في الاستوديو اون لي كاليفي لي زان كاليفي تو سامبلومون باسكو فوالا اون ان ستايل دو جو تيلمون ا بار سي تادير كون جو بيان ايفيدامون سور لومور مي اوسي لا ميوزيك تنغني وشويه ديال الشطيح شويه ديال لي ميم اي هنا مي جينا نقولوا انا امين شنو السمين يقدروا يعطيو ما لقيناش اي بري لو بريفيكس فوالا اون فيت ان بو دو سي ان بو دو سا On fait un peu de tout, voilà. Je peux être flasé, je joue à des morts de dame, hop, voilà, injection, tu retournes, voilà. Exactement, voilà. Y a-t-il un docteur dans la salle? Oui, j'arrive. C'est ça, donc c'est vrai que ça touche un petit peu à tout. On va essayer quand même de décrire l'ambiance, l'univers des inqualifiables, même si l'idéal, c'est d'assister au spectacle. Franchement, et voilà, moi je l'ai raté. Et croyez-moi, donc j'ai hâte que vous organisez donc une prochaine date parce que voilà. Donc, et ben, j'ai eu donc une petite consolation. Donc, j'ai vu les vidéos, mais je suis sûr que voilà donc du live il faut vivre tout c'est, ça avec c'est un peu différent c'est sûr, parce que sur scène on fait un peu de tout sur les capsules bien sûr il y a des petits passages qu'on atteint une petite idée, elle a l'humour d'Yana, mais bien évidemment sur scène c'est autre chose. Voilà, on va revenir un petit peu en arrière. La rencontre d'Yalkoum, Jouskoum, Amin, Obeid, si j'ai bien compris, c'était au lycée. Voilà, c'est au lycée, nous, Amin, qu'on a ensemble, le Sanel ou l'Andiana d'Yal lycée. كل واحد الحماق ديالو ابا الا بغيتي تعرف اللي سي كل واحد جامع الدويره ديالو بحال هكا يا شت اكسبليك في الحلقه اكزاكتومون حتى الحلقه سيدي كتخرج مع 12 وجوج كدور كتلقى راسك الحلقه ديال امين الهي والحلقه ديال عبيد اكزاكتومون ابري لو ديبريف بيان سور سي دي فوالا كنذكروا فوالا شكون واش نرجس ضحكات فوالا اجوتها فيسبوك فوالا دون بار ما ضحك سميتو لبابه خديتي المرجع ضروري فوالا ضروري المرجع انا عندي فخيته Non mais voilà plus sérieusement c'est peut-être que j'ai grave d'acc je suis juste après je dis le bac d'yali je voulais faire de l'humour comme ton papa il dit que là où des matières l'humour il est derrière l'humour voilà et là on sait très bien surtout pour une famille de médecins bien sûr d'ailleurs mon père il m'a demandé de changer mon nom de famille le jour où il a su que j'allais faire des études de l'humour carrément voilà écoutez non je rigole après Amin Michel les États-Unis pour poursuivre ses études après tiens Nahnaya jusqu'au jour où quand Adnan الفرصه باش نتلاقاو امين نتلاقاو سور سان بور لا بروميير فوا سيتي ا بوحنيني ليكول لي ماخصنيش نذكر سميتها افي اورغانيزي اون سواري تالنت شو اي بي مون بروبوزي ان دوز ان تي سكتش ان تي باساج ان تي سكتش كو جي بريباري دايور la veille, un petit passage de 10 minutes et je prenais pas ça au sérieux jusqu'à ce que monsieur Obeid Halal, docteur Obeid Halal j'ai dit au Galia tiens, pourquoi pas nous ensemble et sur place mais c'est vrai Mais c'est finalement, une bonne idée. Finalement, voilà. On a toujours été complices. Exactement. Bien sûr, je lui ai dit oui. Tlana, un petit passage. D'ailleurs, on a une petite anecdote. Voilà, juste avant. J'adore ça, les anecdotes. Voilà, juste avant le spectacle, la veille, on a un ami à nous. Tersatli, ton nom, Belchichouya. Le lendemain, je lui avais promis que la radim chienne, il faut rien, parce que la pièce, elle est en arsac. Dans le passage, ma tlata. جوج قاسم في الفوريان انا وامين ما رحم باك اخو واحد البياسه دوريك فهمتيني واحد الطوموبيل بحال هكا دايوغ واحد البيرسوناج تلاقينا في الفوريان تما لعبناه عليه ولعبناه جوست ابخي داك لو بيرسوناج بيان ايفيدامون باسكو كاين عيالات حاملات كيسمعوا فينا ما بغيتش نديكري باسكو الله يسمح قدري الله يسمح لينا تقدروا تسولين شي حاجه اللي ساتانسبير اون سي انسبيري من لو بيرسوناج طلعنا 20 مينوت دامبروفيزاسيون لو روتور ديال البوبليك الحمد لله كان مزيان خدينا لو باساج تلقنا في يوتيوب لو باساج بنادم عجبو الحال ضربات فينا الشوكه لا سا موتيف سا انكوراج ضربات فينا الشوكه امين اون فا فير كوا ان موا ابري اون فا اورغانيزي ان سبيكتاك افيك لوتو برودكسيون سا بو كامل من الاول حتى الاخر اون اور ادمي لو دكتور ا شوبي الفيروس مي جافي بلو لو فاكسان مي كان انا جافي با دو فاكسان الى با دو فاكسان alors مرض ليا بوندون 15 جور جوست ابري درنا لو سبيكتاك اون اور ادمي بور لا بروميير فوا دوفون 525 بيرسون كو ميم Je vous décris pas le track juste avant, mais le retour était encore plus encourageant. Et donc, on a passé, c'était le 25 juillet à la salle de El Elfassi. D'ailleurs, on se rappelle très très bien des moments qu'on a vécu juste après les loges. Farha, incroyable. Tu voyais ton rêve en train de se réaliser. Que parce que après tout, tu n'as aucune expérience. C'est quoi le problème? Je ne sais pas, le rien à perdre de toute façon. Voilà. Mais comme tu as dit tout à l'heure, c'est que tout se fait avec le travail. C'est ça, rien ne se fait au hasard. Il faut juste provoquer l'occasion. Voilà, justement, parce que Thomas, il y a les bases élémentaires, l'entente. Vous êtes tous les deux des déjantés, mais des déjantés, très important. Voilà. Donc, parce qu'il faut doser et la BN aussi en général. Mais bien sûr, derrière, il y a du travail. Parce qu'à un certain moment, vous-même, j'imagine, vous avez dû réaliser que là, attention, devient sérieux. Il y a du travail. Vous voulez les incaler. Est fiable. Exactement. Donc, tu travailles sur soi-même. Il y a un public, il y a une attente, il ne faut pas décevoir. Exactement. Comment vous vous y prenez justement? Je vous explique, ma mère, il y a des autographes. C'est un grand temps d'avant. Elle lui dit au cas où. Bonjour, Roule Disney. Je ne sais pas si je suis très tard. Non, mais c'est vrai que nos vies ont, on ne va pas dire basculé, mais voilà. Mouvementé, de plus en plus mouvementé. Exactement, de plus en plus mouvementé. Voilà. Et comme vous avez dit, il faut absolument être aux attentes du public. Donc il faut un travail sur soi-même. Il faut beaucoup d'entraînement. Il faut beaucoup concentration. Il faut beaucoup de rigueur. Et là, le problème, c'est que Mabil Kraya ou la scène, c'est là où on trouve un peu de difficulté. On estime qu'on n'a pas assez de temps pour travailler nos textes, pour répéter. Pour les auditeurs qui viennent se joindre sur Chaîne Inter, donc les deux, donc Amine et Obeid. Amine donc prépare son master donc en marketing et management, et Obeid donc prépare son doctorat en médecine. En parallèle, donc ils font leur two-man show. Il se peut que des fois on garde et le lendemain j'ai un spectacle. Amine, il se peut que le jour même du spectacle, on doit un examen. Et on relève le défi, on le fait. Ben c'était le cas. Il y a deux semaines, on avait un passage de la radio. Je vais pas. Moi, ça m'a l'air half half. Voilà. Donc il y a deux semaines, quand on a le passage, et puis le passage était à 8h du mat. À 10h, j'avais examen. Et puis fallait le faire. Faut y aller. Exactement. Donc voilà. C'est un peu ça. Et le travail, c'est continu. Ana ou Amine, parce que nous sommes chers bjouj li tankbou les textes d'Ana ou de la mise en scène, mais Ana Saad Ali Al-Alami, li houa c'est un l'abriti un élément chabah. Un auteur. Ou chabah les inqualifiables. Auteur. Exactement. Voilà. Donc le produit des inqualifiables est réalisé à travers trois personnes. Li chaque jour le travail qui terre. Quand nous gassine une situation, quand nous gassine quand j'ai chaud, mais un nas que j'ai que fikra, l'état d'esprit li hna fait b3 qui attaque des fikra ou des l'envie باش dir chi haja. Et donc c'est comme ça que le travail se fait chaque jour. Voilà, donc toujours en quête, les situations, ce qu'on voit nous inspire, et on est constamment en mode écriture de sketch. Surtout que notre humour, c'est ce qu'on appelle l'humour social. Donc c'est du vécu, c'est tibergeek. Non, mais c'est vrai, parce que l'humour social en général, que tu as des situations que tout le monde vit. Exactement. C'est ce qui fait sourire, justement. Se retrouve, tout le monde se retrouve. Exactement, c'est exactement ça. C'est ça, en fait. En tout cas, je rappelle qu'il vient de donner donc deux spectacles à la demande quand même du public, si j'ai bien compris. Exactement, parce que j'ai vu un petit peu. D'ailleurs, hommage Lyon. En tout cas, non, mais c'est vrai. Il y a donc, j'ai vu les réactions et le public qui demandait donc un spectacle. Et j'imagine qu'après les deux, les Ateto, et le dernier, c'était le 22, c'était samedi dernier. Exactement. Ambiance. La salle foule. Voilà. Mais là, la salle foule, les gens m'approchent. Ne soyez pas modestes, Adrien. La salle boucle. La salle tarte cabinet, là, troll, ma troll, je m'en ai vu, mais elle est. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai vu un petit peu les extraits de le spectacle, et vraiment on touche à tout, hein. Donc j'ai vu Chouidel Chebi, l'Afrique, les personnages, les Camerounais, les Bourguignons, les Marrakechais, les Fassi, un peu de tout, voilà. Donc, et en parallèle, bien sûr, qu'il y a un peu de stand-up. on joue des situations et puis on s'adresse au public. Voilà. Parce que justement, ce que j'ai vu tout à l'heure, et j'ai vu la vidéo les inqualifiables, qu'il a beau deux rappeurs. Donc, et comme il y a les Twickers, alors c'est ce qu'ils diront les rappeurs. Oui, c'est des lyrics. نقدروا ندير لكم جوج ديال الحواله كيرابيو مثلا نهار العيد جوج ديال الحواله كيرابيو ولا خي alors ça donne ça d'accord voilà donc pour le coup voilà impeccable alors c'est le rythme c'est boom tchak boom tchak boom tchak boom tchak كون خروف صغير كابل غير في الزريبه عايش انا وبا وامي اختي حبيبه هزونا في الكار داونا يبيعونا في السوق اللي جاي يقلب فينا قال لك حولي عنده حقوق بالكورده مربوط وبالتبر محروم والديا بعاد مني اخوكم ديما مهموم كفته بروشيت بولفاف الحمر الراس دراري عقنا بيك صافي سي بون جو مكاس ما زيزا ام سي امين ام سي عبيد باع النيكا سنسان دو موتون كمان il fallait signer la chèvre bien sûr évidemment قبل ما تيرابي كتلقى واحد الحولي داير كاسكيطه ياك والاخر داير طانكا فيها 163 النمره ديالو والاخر مطاطوي في الضلعه ديالو ها شنو مطاطوي اخي امين مطاطوي عيش اللحظه قبل ما تبان المضى زيرو واش هادشي كاين تويكيلر نعرفو الرابر بنادم فكروني في واحد الجروب ديال الراب نيت تا هما كيغنيو بحال هكا ولكن تيغنيو هما ماشي تيديرو الكوميك داكور مقدام تيغنيو على دي سيتواسيون اللي الواقع ناتشورال ولا دابا حنا جوج حواله لا لا هما ماشي يديرو لا هما تيغنيو على الواقع ولكن تيغنيو بحال هكا ولكن غير بلا داكور سي سا ان فيت لي انكاليفيابل خويا مو دونك جي انكور با مال دو كيستيون بور او اون فا روفنير دون كيلكوز انستون بيسكو ان بوين سور لاكتواليتي بريفي دون 4 مينوت سا سرا سيلوي دو 17h اون اتوندون اون ايكوتي ان تيتر دي توين كيلر دونك ا شاك فوا نهضر على شي رابر ديال les Twinkies allez سمعوا رماد الماضي دونك الحسنين كليك تهضرنا غابيدمون على هذا المرسوق قبل ما نسافر رماد الماضي انا اللي كتبت تقريبا 85% اللي كتبت و يعني كيعالج بزاف المشاكل على الصحاب على الخيانه ديال الصحاب على الواقع شي حاجه اللي عشتيها انت المشاكل عش واحد واحد الجزء منه على بنادم ان الراب يعني واخا الرابي يعني ما منوش خدمه يعني ما كاينش الخدمه فيه يعني كنديرو غير هكا كي ما يمكنش تعيش به عارف راسك بان ما يمكنش تعيش بالراب وكنهضر يعني على المشاكل الاجتماعيه ديال الانسان الفقر فوالا دونك بوتيت 3 مينوت اون فات 3 مينوت تري تري دارك افيك لو مورسو دي توين كيلر سور شين انتر فواسي رماد مادي اون سو روتروف دون كيلكوز انستان تو سويت قاسم مايك سي رضوان أستوان عشري رمض الماضي خانوني يا بما صانوني عطيتهم ميتي وبعموني على وين وبدلوني وغادي نبقى وحدي بنيتي واليوم نبكي على سعدي كنحس بالدم اللي كنشوف راسي الواليد نفرسو الحرير واخا نعسو قذفت صافي عفت حياتي ما بقيتش قادر نتحمل كون يوقف زهري قدامي كتعالجو انا لا بغيت نغفال في الدنيا ولو مره نشمتها بلا ما نعيق بغيت خطنا وفي قلبي اليوم وشمتها سبتها البنت اللي غادا تكون لحياتي شريكه قلبك والرماد حبك زمر وانتي يا بريكه ما عرفتش علاش الانساني ما كان انساس يمكن كنربي الكبده على اللي ما يسواش قبلوها ولا بقات غادي ندوي على دوك الاصحاب اللي معشريني في الفرحه في شده يسدوا الباب كثرت الهم اليوم ستيلو تلفوا عليه حروفه بسبب الزمن اللي شمتني الناس ما بقيتش كنشوفو درنا النيه بحال الناس حسبونا بنادم لقيت الخير في الوراق ما لقيتوش بني ادم خانوني يا بما صانوني عطيتهم بنيتي الغادي واليوم نبكي على السعدية. كل حس بالدم اللي معرفش مع زمان اتعامل صافي دغيا تحطمت وخا قدامي باقي الامل. ليام قضيح وانا بعيني كنشوف فيها الدم الكبير من القراية مديتهاش فيها كون زماني دير زوين هو يرجع الموري شوية. مغديش نزقل الدقيقة ونضيعت التانية ما ضربت حسن الوالو صدمة. تبعت الراب وخا عارف ما يجيبش الخدمة كلشي مشى كلشي ضاع فرمشت عين. وليت كنشوف الخايب وتوحش نشوف الزوين ولينا مضادين انا والدنيا لاعبين كونتر. مرة مرة نبغينا جمع عمري ما فت السونتر. ماجيش كنحاسب نفسي ولكن كنحس بذنبي معرفنا من هنا القدام والكون شنين مخبي. عيني جوج لي ديما واقفين بجنبي الاولى رضات الوالد والثانية ايماني بربي. خانوني خانوني غيابي ما صانوني عطيتهم نيتي وبيعوني على والو بدلوني. Le 14e Festival International du Film de Marrakech ouvrira ses portes au grand public du samedi 6 au samedi 13 décembre 2014. Pour assister aux projections et limiter les files d'attente, inscrivez-vous dès aujourd'hui via le site officiel www.festivalmarrakech.info et retirez vos badges au Théâtre Royal du 17 novembre au 12 décembre 2014. Merci de rester à l'écoute de Chaîne Inter. Il est tout juste 17h. L'essentiel de l'information, Ahmed Chiratef. Madame, Monsieur, bonjour. Les travaux de la deuxième édition du Forum mondial des droits de l'homme se poursuivent toujours à Marrakech pour la deuxième journée consécutive. La cérémonie d'ouverture de cette manifestation d'envergure a été marquée par un message adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI aux participants, message dont lecture a été donnée par le ministre de la Justice et des Libertés, Mustapha Ramid. Dans ce message, le souverain a notamment estimé que l'Afrique est suffisamment mûre pour tenir toute la place qu'elle mérite dans l'architecture mondiale des droits de l'homme et y assumer pleinement son rôle. Sa Majesté le Roi a également affirmé qu'une approche globale et non sélective des droits de l'homme peut constituer un apport fondamental à la veille d'importantes échéances internationales. En ce qui concerne l'expérience marocaine, le souverain a rappelé que le Maroc a souverainement choisi d'engager des réformes profondes et volontaristes répondant aux aspirations et aux attentes des citoyens. Le message royal représente une véritable feuille de route et une vision pour les réformes à venir, a affirmé le président du Conseil national des droits de l'homme, Driss Liazami. L'Union européenne a félicité le Maroc pour le dépôt des instruments de ratification du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines aux traitements cruels, inhumains ou dégradants auprès du secrétariat général des Nations Unies, y voyant un engagement fort en faveur du renforcement de la démocratie. La quatrième édition du Forum d'investissement Golfe Maroc s'est ouverte aujourd'hui à Casablanca avec la participation du chef du gouvernement Abdelilah Benkiran, de plus de 500 hommes d'affaires du Maroc et des pays du CCG, ainsi que d'éminentes personnalités marocaines et étrangères. Le président français François Hollande a affirmé aujourd'hui la solidarité de son pays avec la Guinée contre Ebola à son arrivée à Conakry pour une courte visite officielle largement consacrée à la lutte contre l'épidémie. Au Nigeria, 64 personnes ont été tuées et 126 se blessées dans le triple attentat qui a frappé cette journée une mosquée de Kano dans le nord du pays au moment de la prière hebdomadaire. La France reconnaîtra l'État palestinien, a réitéré aujourd'hui devant les députés le chef de la diplomatie française en insistant sur la nécessité de mener des tentatives ultimes de négociation qui devraient, selon lui, aboutir à un règlement définitif du conflit dans 2 ans. Nous terminons ce tour d'horizon de l'actualité par ce communiqué de la Société nationale des autoroutes du Maroc qui informe le grand public que, vu la coupure de la route nationale numéro 8 entre Imintanout et Agadir, le trafic sur cette route est basculé sur l'autoroute pour permettre aux usagers de rejoindre leur destination en toute sécurité. la Société nationale des autoroutes, consciente de son rôle citoyen responsable et solidaire, met exceptionnellement en gratuité le tronçon d'autoroute Imintanout Agadir, exclusivement pour les usagers déviés de la route nationale jusqu'à un rétablissement de la circulation sur cette route. Par ailleurs, la Société nationale des autoroutes du Maroc renouvelle ses conseils aux usagers de l'autoroute de redoubler de vigilance en cette période de forte pluie. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Un autre flash tout à l'heure, à 18h. L'ENCG de CETAT et ses laboratoires de recherche organisent la deuxième édition du colloque international sur la recherche en gestion. Sous le thème « Région, performance, gouvernance et création de valeur », « Regards croisés, institutions, entreprises et universités ». Séance plénière, atelier, gala de clôture. Rendez-vous donc le 27 et 28 novembre 2014 aux locaux de l'ENCG de CETAT. Visitez notre site internet www.cirg.ma. Chaîne Inter, partenaire média. Dance Your Pain Away, ça c'était Anita Falskog, l'ex-membre du groupe ABBA qui est toujours sur la scène musicale internationale et vous l'écoutez sur les ondes de chaîne Inter, 17h passées de 9 petites minutes, dernière ligne droite qui va nous mener jusqu'à 18h évidemment, et toujours avec nos invités le groupe Twin Killer, les deux frères jumeaux. Ça va la basse Dréré? Impeccable, malhaba bekoum, encore une fois mazal ghadin nsemou واحد le morceau ديالكم اللي هو جديد et mazal rani ta3rfou chi chouya ala le style ديالكم ala les projets ديال le groupe Twin Killer. Et bien sûr de l'autre côté il y a le duo de Déjanté qui font bien sûr en rire pas mal d'un, croyez-moi, et ils se font appeler les inqualifiables. Amine Oubaid, malhaba bekoum, encore une fois les inqualifiables. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation, et j'en profite pour rappeler que pour ceux donc qui écoutent l'émission ou ne savent pas encore les inqualifiables, les faciles d'Khtarahoum les عندهم الزهر, parce qu'il y a un spectacle prévu le 5 décembre, le 5 décembre à la au campus HUM Fass. Voilà, donc à 18h30, donc rendez-vous le fois ça. Très très bien. C'est pas grave, c'est son téléphone. Les humoristes, tu connais. Et les inqualifiables, en parlant de téléphone, il a bien fait ton téléphone. Il y a de la notification parce que ça m'a fait penser le détail très important d'ailleurs. Amine et Oubaid, si j'ai bien compris, anti-technologie. Anti-technologie. Mais je m'aille les smartphones. Smartphone, je suis. Alors. J'explique. Alors, un abrasi me fait hemch, donc je vais faire les coups de mouchkil. Alors, là, c'est vrai, dès que le cas de tu me crois joignable 24 sur 24, ça m'angoisse. Facebook, WhatsApp, Twitter, Total, Instagram. Moi, il a raison d'un côté, mais il me crache la gueule. Je le comprends parce que, voilà, donc. Parce que ne pas être tout le temps joignable, c'est bien. Mais des fois, tu dois prendre une photo, tu dois la lancer, scan des mails, tatatitata, dans ce sens, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu as dit, ma الزر كما كنقولوا كتنقر كتنقر كتنقر هذيك العمليه تنقر دونك نتايا فينالمون تي ابستوني دو سمارت فون دونك اكزاكتومون كوا تيليفون بليه زعما عادي مزيان شي الحمد لله اللي حنا في الراديو الحمد لله اللي حنا في الراديو الناس ما قدروش يشوفوا التليفون دوماج ما حنا ماشي في التلفازه باش ورينا لا مي سي فري جو في تري بيان il est joignable je vis très bien c'est le plus important et finalement tu as contaminé Oubaid tout à fait sauf que le chargeur de téléphone mais un d'autres le vrai chargeur de téléphone c'est bizarrement docteur Oubaid parce qu'il prépare son doctorat en pédiatrie il fait de l'humour certes mais il est docteur en pédiatrie bien sûr et c'est le deuxième virus qu'il chope ah oui un docteur qui a chopé deux virus premier virus de l'humour deuxième virus anti-smartphone. En fait, je prépare mon doctorat dans un sujet de test de pédiatrie, mais en ce moment, je suis en stage de pédiatrie. Je passerai par la suite en gynéco, en médecine et en chirurgie, mais j'ai pas encore passé le concours de résident pour choisir ma spécialité. Donc, pour l'instant, je compte aller vers une spécialité médicale parce que j'adore le contact avec les patients. Pour un médecin, ouais, c'est ça. Voilà, sûr. Parce que moi, à la base, je vois mal une spécialité mécanique. Après, la chirurgie. Je parlais de la chirurgie. Où Non mais d'ailleurs pendant les 3 ans, les 7 ans de médecine, j'ai essayé d'être l'humoriste des patients des Dazwandi. Ça c'est génial d'avoir quand même un médecin. Ça veut dire que je vais traiter l'ordonnance, par exemple, je sais pas moi, pour des hémorroïdes, je dis ça, je dis rien. Elle est là, bien évidemment. J'adore ce qui lui vient comme ça. Je sais pas, voilà, c'est venu comme ça. C'est la même pour tout le monde. Mais la manière avec laquelle tu vas expliquer. C'est sûr que c'est du vécu. Oui. Dieu seul le sait. Non voilà. Mais c'est ça. Donc c'est ce qui fait votre particularité. Et justement avec les Twin Killer, avec Dreddy et Laura, avec pas mal d'autres groupes, on a besoin, quel que soit donc l'art dans lequel on évolue, on a besoin de matière grise. On a besoin quand même d'avoir un niveau intellectuel. Donc, c'est sûr. Parce que je voudrais appuyer le point. Exactement. Parce que les quatre les الحلاوه ديال هادشي اللي كنديروا دابا ان سمومون سي كو مازالين شادين في لي زيتود ديالنا باسكو que après tout on va pas balancer 7 سنين ولا 6 سنين ديال لي زيتود في الخاوي كوم سا et connaissant bien évidemment la situation ديال خليني ساكت بحال اللي قالني تخبي الحوجه قالك هو عارف راسو ما غاديش يعيش في لوغاب ديالو اكزاكتومون اكزاكتومون فوالا مي اون لو في باسكو سي اون باسيون لا باسيون فوالا كدير باسكو كتبغيها كتحبها مي كطلع سور سان مي كضحك بنادم كتكون معاهم يا ان ايشانج سا تو موتيف نون سولمون بور تا كارير هيومورستيك مي اوسي بور تا كارير لي يا نون سولمون دو ميدسان مي اوسي دو ماركيتور اي دونك سي سا لوبجيكتيف دونتر ديو سي ان ديو انتيليكتويل اي اوسي كي سي فير tout simplement شكرا دكتور عبيد اذن انا نمر معك عبيد et aussi de la musique parce que je suis DJ excuse-moi et il est percussionniste donc et vous intégrez ça aussi dans vos spectacles exactement et ce qu'on a fait la dernière fois c'est qu'on a organisé un after show عاوتاني في واحد البلاصه انا ماشي البلاصه اللي باغي نقول سميتها وزمو كي ماستر اون ماركتينغ اون ا كيلكو زيد دونك عرفت نفسي واش ماشي يقول Après disposé, mais c'est grave. Et puis donc voilà, Houa, tu mixes les la cam là, et moi tu as un percussion, djembé. Et voilà. Donc et dans l'optique de quoi, de d'avoir un contact avec le public d'hier, parce que quand tu arrives, quand tu arrives, quand tu arrives, les remarques d'hier, exactement. Et aussi, c'est qu'on a l'occasion, fin quand tu as le contact, zouin, mais bien combien, quand tu arrives, interactivité, tout à fait. Puis juste une petite chose, je pense que l'initiative a dit, je pense, des humoristes, les kidero, des after-show pour se rapprocher l'audience d'hier, ou les spectateurs d'hier, je ne pense pas. Et ben c'est plutôt after-show les auditeurs. Un after show, c'est après le spectacle. Après le spectacle, on se retrouve voilà. dans un endroit voilà. où il y aura une bonne ambiance, je sais pas, soit dîner, soit voilà, autre chose. On va se retrouver dans un restaurant, dans par un exemple. Resto, voilà. Et là, vous donnez, on va dire, un spectacle privé. Show. Voilà, un spectacle privé. Voilà. Exactement. Voilà, histoire d'être un peu plus proche avec le public. Exactement, c'est ça l'objectif. Et ça vous permet aussi donc de tâter le terrain. Oui, tâter aussi les. voilà, tout à fait. X ou bien XY. Exactement. Restons dans le domaine. Ils se donnent maximum, c'est comme ça, pour satisfaire le public, ils sont prêts à tout faire. tout franchement, en tout cas, tout les inqualifiables, Tomarkla, Léom, les faciles, ils ont de la chance. On rappelle donc que le 5 décembre, vous donnez un spectacle à partir de 18h, si j'ai bien compris. 18h30, voilà, 18h30, à Goul, 18h. Donc 18h au Campus HEM Fest. Campus HEM Fest. Les inqualifiables, puisqu'on parle de Fest, et vous êtes un duo. Et j'ai lu donc un article sur vous sur internet et j'ai vu que vous insistiez sur le fait que vous étiez un duo humour Rabaté. Qu'est-ce qu'il a de particulier l'humour Rabaté? Ghriba. Tawi. سواول اي وخيار يا سافر ديما كتعرفوا سميتي نقول لك عاوتاني فهمتيني لا مي سي فري فريت بوركو رباتي رباتي باسكو il y a des faciles aussi en régie. L'autre côté de. Il y a Riobao Tiawil, Gekte, Fes, Rakhine. Fes, bien sûr. Donc, Rabaté Rabaté, parce que, faut le dire, Nash des humoristes Rabaté, tout simplement. Et puis, on a insisté sur Ada parce qu'on va évoquer aussi, Yek. On n'a pas d'humoriste. Voilà, j'étais en train de réfléchir. Enfin, voilà, donc je connais. On parle pas d'humoriste, on parle de duo. Voilà, de duo. Rabaté, dans notre voilà. style. Voilà, c'est ça. Exactement. On préfère. Parce que le two man show. Voilà, le two man show. Casa, c'est tout. Casa, c'est l'économie. Casa, c'est les voitures. Casa, c'est la couture. C'est la peinture. Voilà, c'est tout. C'est pas possible. Rabaté, il y a aussi de petits chenapans. Exactement. De faire quelque chose pour montrer au public que voilà. Il y a un produit Rabaté de la capitale. Alors. Et non pas seulement à Casa où il y a beaucoup, on estime, on a beaucoup d'estime pour les humoristes, les Kenyans, Casa, le Maghreb, Kamel, mais on a voulu défendre cette idée qu'on est Rabaté et on va procurer aux gens un humour Rabaté. Voilà, c'est voilà. ça. En tout cas, ils ont réussi quand même à imposer leur style, les inqualifiables. Et moi, je dis bravo, tout simplement, parce que on a un peu de temps, tout simplement. Donc, vous avez séduit un maximum de public et vous avez réussi à vous faire un nom, ce qui n'est pas évident. C'est ça, parce que ils sont assez particuliers, assez original, ce duo Rabaté. Donc, il peut être fier de, franchement, c'est pas que là, elle est comme les inqualifiables. Alors, je rappelle aussi, dans 5 minutes exactement, ça sera l'heure de l'appel à la prière du Maghreb. Nous, on se retrouve juste après sur Chaîne Inter en vous rappelant aussi le rendez-vous du design. C'est à 17h30 avec Amina qui nous fait un focus sur les tendances automoto 2015. Donc c'est carrément vroom vroom dans le JDD. Et bien sûr, on en profite aussi pour rappeler que le groupe Twin Killer, mazal ma'ana le Twin Killer, mazal adin sma'oul un morceau donc ديالكم وغا تعطيوني شي حاجه لايف وتغنيو عليها ولا شي حاجه نشوفوا كيفاش هاد القضيه هادي لي توين كيلر واش كاين عندكم فيسبوك شي باج ولا شي حاجه اللي بغيت تعرف عليكم عندنا باج اوفيسيال عندنا تنديروا حتى حنا ديال التورناج ديال لي فيديو عندنا توين كيلر برودكشن وعندنا باج اوفيسيال توين كيلر هادي ديال والفيديو اللي درتو هو ديال المهمه لا ديال الرماد الماضي ديال الرماد الماضي دونك درتو لي فيديو كليب درنا لي فيديو صورتوا راسكم فين صورتوا صورنا في سلا في الرباط في حي الرياض ولا بوحديكم مع الدراري بوحديتنا المونتاج هو بوحديتنا درتوه في يوتيوب درنا في يوتيوب من بعد ملي تبيراتا صافي حيدنا صافي تبيراتا هذا هو المشكل مع الانترنت هذا هو علاش الدراري قالك ما بغاوش هادشي هما ديال النوبل ديال التكنولوجي بارباروسا سي كوم سا En tout cas, on va se faire une petite pause avant d'arriver à l'appel à la prière du Maghreb. Je vous propose d'écouter Chris Cab. Excellente fin de journée, surtout bon week-end sur Chaîne Inter.

قالولي بلي تنعيش الحب علي كيف تقولي ننسى دايم في وقت كلها بين ايدي في بالي جاو قالولي بلي تنعيش الحب علي Voilà, ça c'était Ayman Saad avec Tgouli Nensa que vous écoutez sur les ondes de chaîne Inter. Il est 17h30, minutes. Heureux de vous retrouver. Et là, on est pile poil à l'heure pour le rendez-vous design. Le JDD, c'est carrément vroom vroom ce vendredi soir. Amina nous fait un focus sur les tendances automoto 2015, le journal de design. Dans le journal design, nous parlons aujourd'hui de l'art de tuner les voitures. La tendance est apparue aux États-Unis il y a plus de 80 ans et le tuning est une pratique qui vise à modifier un véhicule de série. Ces améliorations concernent aussi bien la mécanique que l'esthétique ou le confort. Et une voiture tunée, recouverte de feuilles d'or ou d'illustrations finimates, c'est tout un travail. Le tuning est devenu si populaire au tournant des années 2000, c'est en grande partie grâce au succès du film Fast and Furious, sorti en 2001. Il racontait les aventures d'un policier, interprété par le regretté Paul Walker, qui infiltrait un gang de pilotes de course de rue adeptes de voitures tunées, on va dire. Parmi les adeptes les plus célèbres du tuning, on retrouve un amoureux des belles mécaniques, le français rocker Johnny Hallyday. Mais la pratique est tout de même moins répandue en Europe qu'aux États-Unis. En 2008, le chiffre d'affaires total généré par la vente d'accessoires de véhicules en France, par exemple, flamboie puisque le tuning voyage à travers le monde. Et en provenance des États-Unis où il a fait ses débuts dans les années 30, il s'est réellement développé à partir des années 70 dans les milieux hispaniques californiens, puis dans les rangs des fans de hip-hop, il gagne l'Europe dans les années 90. C'est en pourcentage que la part des modifications consacrées par les amateurs du tuning à l'électronique embarquée qui englobe tout ce qui est GPS, lecteur DVD, matériel audio, Bluetooth, les jantes et les pneumatiques qui font l'objet de 17% des personnalisations se classe à la deuxième place devant les pièces techniques, châssis, moteur et freinage à 7%. 1500, c'est le prix minimum en euros pour faire repeindre entièrement la carrosserie de sa voiture. Mais cette somme concerne les petites automobiles pourvues de surfaces planes. La facture peut vite atteindre les 4500 euros pour un modèle plus en courbe et l'application d'une peinture finimate. 83 000, c'est le nombre de personnes à s'être rendues à Rimini en Italie pour assister à l'édition 2011 du My Special Car Show, le plus gros salon européen consacré au tuning. Et pour ceux qui peuvent se le permettre, et ça donnait également aux joies de la customisation, s'ils acceptent d'y mettre les moyens bien sûr, le célèbre collectionneur de Lamborghini Albert Spies a demandé au célèbre carrossier Zagato de confectionner pour lui une superstar explosive baptisée Lamborghini 5.95 Zagato. Mais évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde. Tuner son auto, customiser, donner du style ou mettre des graffitis, l'art du tuning reste très cher pour le résultat showy que cela donne. Vous écoutez. Maybe it's just the way Merci de rester à l'écoute de Chaîne Inter. En vous souhaitant une excellente fin de semaine et surtout un excellent week-end. Et on rappelle encore une fois le communiqué de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc qui nous informe et qui vous informe, vous qui prenez la route et vers le sud, le grand public, donc coupure de la route nationale numéro 8 entre Imintenout et Agadir. On le rappelle encore une fois, autoroute du Maroc, mais exceptionnellement en gratuité, le tronçon d'autoroute Imintenout-Agadir exclusivement pour les usagers déviés de la route nationale. Et encore une fois, on renouvelle nos conseils à tous ceux qui sont au volant de leur voiture. Soyez super prudents, redoublez de vigilance en cette période de forte pluie. Et j'espère que le message est reçu. 5,5/5. 17h36, de retour avec les inqualifiables. Ça va les inqualifiables? Ça va toujours. 400 gauchers chouillables ou alors 500 gauchers. Est-ce que vous êtes toujours... 500 gauchers. C'est fou. Est-ce que vous êtes du genre excité au volant ou la calme? Alors, je vais dire la vérité. La vérité. La vérité. Obeid est un fou furieux du volant. Tu confirmes? Parce que j'aime pas conduire à la base. D'accord. Et j'aime pas conduire. Quand je prends le volant, je suis énervé de conduire et donc je conduis quand même. Nelly, Nelly, j'imagine la scène. Donc en fait, ouais, je me hamle, donc j'ai démarré. D'ailleurs, كل التليفون اللي عندك تليفون و انا قلت له التليفون اللي كنت كنصوك نعاود واحد لاسين اصاحبي عندي واحد سبيكتاكل 22 بلاتي انا بطا شوف الو شوفي حتى انا واحد البوليس دابا ياكي شوف شنو ندوزوك صافي واجي اجي اجي اجي اجي كنت انا واحد البلديه كنلعب واحد سبيكتاكل ديالها سير سير والسيد ما فهم والو قال لي صدق خل... قال لي البوليس يخلصني بالتيكيات عطاني 10 ديال التيكيات قلت البوليس اللي خدمه ماشي ما خدمه هذه صدق انا كنيغوسيو في 3 4 صدق خدا واحد رد لي عطاني 50 درهم جا سبيكتاكل لي زانكالي في عمل ولا جا سبيكتاكل لي زانكالي في عمل حتى درت واحد النويطه ويصفر قال لي قال لي هذه لا اكسيلون بس سي سا ليسبري ان فيت ميرسي عبيد باسكو Obeid, ce qu'il a fait, c'est un récap à tous les auditeurs qui viennent se brancher sur Chaîne Inter. Et voilà, donc les Macanouches, depuis le début, et ben, voilà, c'est ça l'esprit de ce duo que nous avons avec nous sur Chaîne Inter cet après-midi. Un duo rebatté, parce qu'ils tiennent à le préciser. Et bien sûr, et ils adorent Riba, faut pas l'oublier aussi. Et ils insistent là-dessus, en tout cas, les inqualifiables, ils seront sur Fès au campus de HM. Voilà, donc à partir de 18h30, le 5 décembre, Inch'Allah. Donc allez-y, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et j'ai hâte, moi, de les voir sur scène parce que j'ai raté le spectacle, mais j'ai hâte, Inch'Allah, de voir un autre spectacle. J'imaginerais qu'on m'a programmé chez Hajj Rabat. Bien sûr. Au Casa, ouais, parce que le public demande. Hein. Il y aura, Inch'Allah, un passage à Casa, Marrakech, Fès le 5 décembre. Et ici à Rabat, on a déjà fait d'Abashal trois spectacles. Deux Flassal l'Elfessi, Wahd Flassal Bahmini. Et donc, on travaille encore plus sur Rabat déjà pour acquérir le maximum de spectateurs d'audience. Pour vous faire votre identité aussi. Exactement, voilà. Exactement. Et puis après, pourquoi pas se... C'est l'argir physiquement, même. Et on leur souhaite beaucoup de courage. On va revenir un petit peu les inspirations d'Elko, mais Redemption and les Twin Killers, parce que les Twin Killers, mais elle a un morceau les Mesmenages, ou Jdid, donc Ftjil, donc Wadawal, Akhir Wahadis, Joltou, les Smithou, Tarf Menhiati. Had le morceau là, nous t'avons qu'est-ce وقصة اللي عجيبة حتى parce que كنعاود نذكر بالنسبة لي زوديتور que twin killer كيف le nom l'indique twin هما توام donc الحسن والحسين et donc ils font du rap ils ont commencé ensemble mais هذا المرسو هذا اللي ما فهمت غادي نقول للحسين ياخذ ميكرو دوزتي واحد الوقيته مشيتي انت لدبي ولا الامارات لا مشيتي الشارقة مشيتي الشارقة donc كان في الخليج donc c'est الحسين et على ما فهمت هذا المرسو تكتب انت في الشارقه وخوك في المغرب وما كنتوش متفقين بين غتكتبوه لما انت كنتي في الشارقه هو في الغاربه باش نعرفوا باش بوغ ميتخ لو خاطر واسه طون بوغ مو باردون اسمح لي سي سا يعني احنا من ناحيه الكتابه يعني كل واحد يبدا يكتب في الاول تيكتب يعني غير بحال الوثائق قبل ما تقول لخوك على الموضوع ولا كتكونوا هضرتوا انا من مشيت تما يعني انا ما هضرتيش مع هذه القضيه ديال لا ما هضرتش معاه يعني انا شنو قلت يعني حتى حتى ما كتشي ضرب يما ضرب معاه معام ولا عامين وترجع يعني انا كنت داير في راسي انا مبقاتش مع واحد المده صافي بديت نكتب تنكتب ما قلت لي يعني ما حتى واحد ما في راسو راه بزاف تنكتبوا صافي بديت نكتب هو تيكتب المهم دازت ليام بحال هكا كنا نشاركوا في واحد الفستيفال ديال الرباط فيستيفال ناسيونال يعني موسيقى الشباب موسيقى الشباب صافي عيطت للسيد انا المدير ديال الفستيفال يعني قلت له راه سي فلان انا ما غاديش نحضر ما نكونش معكم راني في الشرقه قلت له اخويا غادي يطلع سولو في الفستيفال غيشارك سولو صافي بقات تقريبا شي سيمانه بحال هكاك صافي قررت نرجع انا من تما على وديت الفستيفال على وديت الناس اللي تعرفوني نرجع انا لقينا تقريبا انا معيط للسيد وقينا لي بارول متشابهين يعني بلا ما نكونوا يعني بلا ما نصحوا لقينا تقريبا هو كاتب جوج كوبليات وانا كاتب كوبليه وحده كومبليمونتير واحد تيزيد وحتى الانسري يعني اللي كان يعني لقينا بواحد السهوله يعني بلا ما بقينا نمشيو كومبوزي ولا صافي ربيتنا لقينا تقريبا نفس الرسم واش التفسير ديال هذه المساله حيت نتوما توام شي كامل كتخدموا كتوقع لكم بحال يعني نفس الفكره نفس الرسم نفس الحلم نفس الحياه تقريبا كل شيء سي جو تم ناحيه فوالا فوالا فوالا عاشوا لا ميم شوز تم ناحيه يعني ستير نفس الصحاب نفس كل شيء يعني ما يمكنش شي واحد يعني في يكون صاحبه مع ما فراسيش انا ماشي صاحبي انا كلشي هنا ريوك عندك شي صاحبك واش كلشي تصحاباتكم ولا بون ماما قلتي كلشي اخويا بغيت نعرف علاش ني هاد كل لا قدر يكون توام تخيل كونوا بنات واللي كنت خلط لكم سي با ما انا عندك عندنا واحد القصه كاين وقعات يمكن كانت عندنا واحد القصه مع شي جوج تويميات كنا اون كوبل مع تويميات من فرنسا انتوما كتصوردوا كتجيو زين وحده سميتها هيلين وحده سميتها اولين شو حسن حسين ما هما كيتسابوا يعني بس عارفينهم تقطعنا لا وحده قطعنا لا كانت بعاد تقطعنا لا سبعه اخرى كيفاش كانوا هما تيتسابوا بزاف يعني تقريبا نفس المشكل اللي كان عندنا حتى هما كان عندهم يعني من ناحيه كنتي قطعوا لا سبعه قطعت لها شعره لا شعره ويلي ولا ضرب لها نص ديال الحجبه والله باش تكون لا كوب مخالفه داكور صافي من حتى هما بدا باختلفوا ستيل واحد عنده الموستاش ولا عنده الله يحيدو الله يحيدو الموستاش راه كيتشكى انت كنتي مع الين ولا مع من؟ نسى على سميت وخونا نهار كيمشي واحد كثروا عليهم كثروا عليهم لا دابا انا عارف سميت عارف انا مكنتش ولكن انا عارف الزعره من اللي ماشي زعره لا ولكن شكون ولكن شكون ولكن شكون ما خصها تكون تصويره باش نعرف بلاك انا عاود لك واحد القصه بسيطه عاود لي تصور لينا عاود كنا مع هاد الجوج تصور معايا انا كنت كنهضر معاه بحال هكا كنعبر لي على شي حاجه كتقول لي راه فايت قلتيها لي وراه قال لا لا راه خويا اللي قال لي قلت له لا وتصور معايا ماشي انا راه خويا يعني تقريبا نفس ال يعني نفس اللي كان كيطرى لي تي كتجي تقول لي انا مشيت نقول راه هادشي الهضره اللي كتجي لحسن كتجي لحسين سي سا اون فيت كيقولوا لا ميم شوز اون فيت واحد النهار واحد السيد ما عنديش معاه الله يسمح لك سير الله يسمح لك ما عنديش معاه راك هو بين عليه ضريب زعما ما قدرش نقول ليه يعني خويا ما تبقاش تعرفني ما تبقاش تهضر معاه ما تبقاش تعرفني خويا هنا واش ما تعرفني واش واصل ما مزيانش دابا ملي تنوقف حدا ما تقدر نقول ليه هو اللي تيبقى فيا وانا صيفط ليه خويا واعر هذا صيفط ليه خويا صافي امتحانات تاعو ما الباك شنو قلتي ليه الحسين انا غير عرفت هذاك الشيء اللي قال لي حفظني مشيت قلتها لي ورجعت فحال اجي قبل انت اللي قلتيها لي اجي قلتيها لي بالراب ولا لا لا نيشان هو الضم قلت لي طبيعي انا نقدر معي ونقدر معك اه كنت قلب علي وقلب عليك صافي وتصور معايا كنت ما عنديش شعر مشيت حسنته على وديته عندكم الاسطور ديال واحد اخر هذه واحد مره كان بقاو تيديروا شي كوافور هذا كان خويا مدابز مع واحد تيدابز هكا يعني مشى نقين ضربه بنص ناض تنق عليا انا هادي راه مكشال واحد تلقى مع جوج خوتهم ضرب واحد وجمع الاخر اكسيرو او لا لا لي واحد النكته قبل هذه ما فيها لا ديال التوام الاول حنا قبل حنا كنا كنعرفوا المقر ديال الراديو وكنسينا عليه مشينا عند واحد السيد سولنا قلنا له الاذاعه ديال الاولى قلنا له الراديو في الاول قلنا له الراديو قلنا راه كاين حدا التيران ديال الفتح اي مشينا تما كان غير سيفطوم لهاب ملي مشينا تما حنا نسول واحد الحساس كان تما خويا الراديو قال لي اه هو مع الدور النخله الاولى لا الثانيه الراديو ديال الطبيب لا الراديو ديال ولا دوك لا كلينيك سونتر دو راديولوجي قال لي اقرا البلاكه راه هي غادي لا الاذاعه قال لي انا ادخل يا ولدي دوزوك في السكانير هادي بصح هادي وقعت لك هذا اليوم الله يشهد اليوم هادي احسن نكته هادي صيفطوا صوت دو راديولوجي افكتيف واحد تيرا الفتح كاين صوت دو راديولوجي غتلقى سي شوم تقدر تطب لي بيضه الا بيضه ولدي دخل ولدي دخل تفضل باش كتحس تحب نسمع حسيت بيه كتبت عليا تحب نسمع يلا اون فا جو فير اون بيتي بوز بيان ميريتي باسكو لا يفو ايكوتي ابسوليومون لو مورسو طرف من حياتي اون فالي كوتي ونعاود نرجع وي يعني بالمناسبه غنفكر نشكر واحد السيد يعني هو البوس ديالنا واخا يعني واخا اونديكابي تناخذوا منه غير هو كناخذوا منه العبره يعني نزيدوا لقدام وتكتب تكتب معكم حتى في لا الكتابه هو تيسجع انا والمكلف يعني بالفستيفالات وهذا الشيء هو سميتو محمد محمد كريم والمدني والمدني محمد كريم يعني من هذا المنبر تنبغي نحيو والمدني يعني محمد كريم صفقوا على محمد كريم واخا ماشي معنا العائله ديالو كان مع الدراري وكيشجعوا تناخذوا منه عبره يعني واخا هو وخا الهانديكاب ديالو تاع ما خلاش يجلس وما يدير والو دونك يسانس يعني يعني هذا يعني تنعطيهم يعني بيس من هنايا ميريت بيغ اب لي بيس فرانشمون تبارك الله عليه سي اول مدني محمد كريم اون فالي كوتي طرف من حياتي بارلي توين كيلر اي سا سي سور شين انتر ا توت سويت توين كيلر اش توين اش ماي ها طرف من حياتي كنشوف الزمان لعب بالناس كنبدا نفكر باللي ماجي كل نهار كنحر كنقول يا ربي غادي فاجي غادي تشوفني ديما ضاع حيت في قلبي الحمد لله كنبان لك ديما مزروع حجمك تجري وانا موراه ماشي على الفلوس الباغي نكون باغي نبان ماشي خايف حيت نساعد لغدرة الزمان بغيت نرسم في وجهي الضحكة الصورة كاع ما كاملة قليل في غتشوف سناني حيت حياتي كاع ما سهلة لخويت قلبي بدا بمحالي كفي باش نحكي علمتني الدنيا نقلب على الحل بلا ما نشكي لا كانت الفلوس كتخلق الضحكة غير خليني كاي ضارب الطريق الجنة عليها صح بيراني ساعي يا منا كاملة راها قضي ناود اللي باقي شو يوم ما جديد وينا كل شي جبد اليوم ليشو حياتنا سو لهم يوم جديد يوم جديد وينا كل شي جبد اليوم ليشو حياتنا سو من مرة باقي سادو الصابر الفلوس قاع ما دايما حتى السكنة خير تنقابر برا أصافي مشات ودابا تقدو الكتاب تحمل كيزيد يتقال كلما كنظنو خفاف يمكن غلطت بزاف ليها تعلمت بزاف غادي نزيد نعلي راسي حتى ما عنديش الناس نخاف كفت ذنوب تقال شايف الدنيا بعين عمياء حتى الإيمان اللي كان عندنا في القلب بلاصتو خاوية ساكي مومي لله وانت غير خاوي عليه قلبي كتشوف الدنيا زوينة أزي تعيش تجرب دربي زاد على راسي بقيت مظلم حياتي كاملة كنعدي من خيالي في وقت الظلام خلاني بوحدي يا منا كاملة راها قضي ناود اللي باقي شو يوم ما جديد وينا كل شي جبد اليوم ليشو حياتنا سولهم يوم جديد عليه وكاتبه اللي عشت بزاف مكتوب بالحق للي فاهمه واخا بلادي هرب من هاد الزهر يا خساره واخا مستقبلي مشى في الخونه والشفاره غادي نشق طريقي صح وان شاء الله نوصل غادي نشوف بعيد واخا غير من فوق نطل خلي ربي ديما بالك انت دير اللي عليك ماشي المهم لا كنت بعيد المهم صوت يوصل ليك يا منا كامله راها كاضي ناخذ اللي باقي نعيشو يوم ما جديد voilà طرف من حياتي il mérite qu'on les applaudisse franchement les twin killer tabarakallah alaykoum et croyez-moi amis auditeurs on peut pas être au four et au moulin le temps que vous appréciez le morceau que tu fais bzaf des autres anecdotes dit les humours franchement en tout cas tabarakallah alaykoum drali les twin killer اللي كنعاود نذكر عندهم la page facebook ديالهم عندنا page facebook ديال les rapports Twin Killer officiel. Donc voilà, Twin Killer sur Facebook pour rester bien sûr branché avec eux et surtout aller liker leur page باش نشجعوهم. كنعاود نذكر بين عندكم بزاف ديال المشاركات ما بين 2012 و2014 بزاف ديال لي زيفيرمون دونك وكنعاود نذكر بينا كوم ميم ربحتوا افضل جروب في موسيقى الشباب دونك في مهرجان موسيقى الشباب في الاغنيه الشبابيه في اطراف اكزاكتومون كاتيجوري غاب لي توين كيلر. كنعاود نذكر معنا السي الحسن والحسين كي سون دو فرير جومو وميرسي ان توكا بور لي انيكدوت لي عاودو لنا توت الور باسكو فريمون دونك سي سي اكسيلون اكسيلون ان توكا بور لانستون ما كاينش مشاركه في شي مهرجان كتوجدوا نتوما واحد الكاستينغ على ما فهمت ديال لي ميسيون اكس فاكتور يعني مازال متواصلين معاهم احنا ما دايريناش يعني كاستينغ قريب يكون في كازا ان شاء الله في كازا في نهار واحد نهار واحد نهار واحد واحد هوياش واحد الشهر الجاي واحد الشهر الجاي دونك 1 جانفي يعني لو لوندومان دو 31 يعني لا بقى لنا الوقت باش ما يجيوش بزاف البشر مازال دايرين حتى في مراكش دايرين حتى الكاستينغ في مراكش يعني لما يعني كاع الناس اللي باغيين يمشيو سميتو لكازا وما قدمش الوقت ديك الشهر كاين في مراكش يمكن شهر ديسمبر لا لو 1 جانفي جانفي Je t'ai dit le lendemain du 31 décembre. Oh là là. Yann, inshallah, je répète. J'insiste là-dessus. Yann, inshallah, il a que j'ai lina. Ou d'où vous venez d'être le casting. Moi, je vais vous dire que متايقين في راسنا و دونك عوالين تشاركوا في شي برنامج اللي يعاونكم في لا بوبليسيتي ديالكم ضروري يعني حيت كاين دي رابور وكاينين شي فنانين اللي تيكونوا ضد هذه الفكره ديال اللي يمشي لشي برنامج لا ماشي شارك لا حيت ما كاينش اللي غادي يعاونك في هذه البلاد يعني ماشي الدومين ديال الراب يعني كاين الروابط بزاف ولكن اغلبيه واحد المجموعه اللي يعني بلا ما نذكر سمياتها اللي صاحبي صاحبي Il a tout compris, en tout cas. Les combats à la cas, quand vous voulez combattre, les combien sur Tchoufek, bon courage. Je suis allé dans les studios. Je suis allé dans les studios. Je suis allé dans les studios. Les studios, les gens, tu disais, tu trappes un dos, tu fais la cas, tu fais la cas, tu fais la cas, tu fais la cas, tu fais la cas, عاد كيسمع لك هو فوالا سي سا ما كيعطيكش واحد القيمه يعني من غير ديجي الواس نخدموا دونك مشاركه في برنامج بحال اكس فاكتور غتربحكم بزاف ديال الحوايج شنو الخير يعني وعدنا يعني دربنا على شي حتى في الوقفه يعني مع قدامهم ولا قدام التحكيم ولا قدام الجمهور مفاهمين يعني ما تنديروش دي زيرو وماشي زعما باش نقول لكم كما تيقولوا باش نصبركم ولا شي حاجه مي عندكم واحد لو بوين فور باسكو لي رابور قلتيها كاينين بزاف واكس فاكتور تيجيو لها بزاف عندكم لو بوين فور ديالكم C'est que nous sommes juste nous. Et ça pourrait être intéressant pour les producteurs. C'est ça en fait. Rapidement, Nous avons dit que C'est très important, c'est un critère qui est super vendeur, bien sûr, notre spécialiste en la matière, Master Marketing Management, si Amine, vous confirmez, bien sûr, que c'est un point fort. Merci, merci. En tout cas, merci aux Twin Killer et merci les inqualifiables, et rapidement, parce que l'un prépare son Master en Marketing Management, Obeid qui prépare son doctorat en médecine, la famille, comment ils prennent la chose assez, Amine la famille, d'ailleurs... بغيت من هنا من هذا المنبر من هذا المنبر نديرو بحال داكشي داك صحاب نديرو داك صحاب من هذا المنبر سا سي بور سامد Les gens n'ont pas compris mes mots. C'est, voilà. Là, sérieusement, je voudrais leur donner un gros, gros bisou, hein, en guise de gros bisous. Non, mais sérieusement, alhamdoulilah, il y a un soutien voilà, c'est ça. À 100%. Et ça m'a blabé, sérieusement. Vraiment. Et je le dis et je le répète, blabé, et bla. Le docteur. Voilà. Parce que l'autre. Qui est ta moitié. Exactement, on va dire, ma moitié. Allez, voilà. Mais bon. C'est normal. C'est, non, mais c'est vrai. Parce que Houa, Lija, et je le dis, je le répète, Houa, Lija et Ogalia, en d'autres termes, j'ai pris ça au sérieux. Ah. Parce que Floul, je ne l'ai pas dit, il y a eu des passages, mais c'était vraiment. Voilà, c'était des débuts. Et puis, ouais, j'ai dit, pourquoi pas concrétiser Hachi et moi, je le dis et je le répète, blabé. Ouais, mais qu'est-ce qu'on a le duo. C'est ça, et puis, duo. Et puis, les parents, ils sont à 100% avec moi. Et d'ailleurs, je les embrasse. Et Kate Santolina Daba. Et bah, Baba, maman, je vous aime. Par contre, c'est un peu plus délicat, j'ai l'impression, parce que le Walid dit qu'il a pris le Hachi. Mes parents, c'est vrai, ils sont toujours pour l'idée de la créativité. Ils ont eu l'habitude avec moi-même et avec mon frère. Ton père a peur que tu t'éloignes. Mon père, il a eu un peu peur que je m'éloigne de mes études et tout ça. D'ailleurs, je voudrais lui dire merci pour tes conseils, merci pour tes encouragements. Kouni Al-Hajj. Kouni Al-Hajj, d'ailleurs, avec Dr. Lermouchi Etman qui m'a proposé d'être le vice-président de l'Association marocaine des médecins internes en périphérie. C'est-à-dire que non seulement je suis. Je poursuis mes études, mais aussi je suis dans une association qui va gérer le planning, les journées scientifiques, mais aussi je suis dans le bain, d'accord. Donc papa, ne t'inquiète pas, maman, ne t'inquiète pas. Le charme du duo, c'est les études et le fait de poursuivre les études. Et ben voilà, donc les incalifiables, mais merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je vous dis à très très vite. Inch'Allah, on rappelle qu'ils sont au campus HEM le 5 décembre sur la ville de Fès à partir de 18h et allez sur leur page Facebook Les Incalifiables. Et Hicham Zrak, c'est un gars génial. La vérité. Ah oui, bien sûr, faut le dire. Merci à vous, les amis. Franchement, c'était un plaisir. Merci à vous. Franchement, on remercie les Twin Killers, donc les Hassan. Bien sûr. On remercie Fatem Zara Yassine à la réalisation, bien sûr, qui insistait sur le fait que les Fassis aussi ont un nom riban. Et je remercie Mustapha Elaoui qui s'est rasé la moustache. C'est Mustapha. Ah bah voilà. Très très belle moustache. Dans quelques instants, l'info avec le poids sur l'actualité de 18h. Et bien sûr, Steve prend le relais avec le Café Culture jusqu'à 20h. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi 15h-18h. Ciao, ciao. À très bientôt. On court, on vit, on court, on est mort. On dit stop, c'est fini. Le temps court encore. On court après l'amour, après la prochaine rencontre. On court comme des gamins, on sait plus où est le frein. Venez, on s'arrête et on ferme les yeux. On contemple la mer, on contemple les cieux. Venez, on s'arrête, on marche dans l'autre sens. On revient sur nos pas, on s'arrête et on... Conversion super bien réussie du tennis à la musique et ça lui va super bien, Mister Yannick Noah. Merci de l'écouter sur chaîne Inter, 18h, Ahmed Cheikh Atif, pour un nouveau point sur l'actualité.

à la technique Mustapha Alaoui, Tifa au micro. À partir de 19h, on retrouve l'ami Adib Al-Mashrafi avec la chronique Lire Plus. Et c'est la dernière de la série qui concerne Pierre Rabhi et ses réflexions. Ça sera à partir de 19h. Et d'ici là, si vous souhaitez nous joindre, si vous souhaitez partager avec nous vos commentaires ou tout simplement nous faire un coucou, c'est très simple. C'était au 05 37 20 44 73. Tonight the stars I look upon will shine long after I am gone. Where will I be this time tomorrow when I see them shine? I walk along the avenue where everything I thought I knew has left me without a clue. Empty streets and empty stores, windows covered up with boards, graffiti written on the doors. We must be crazy, but you're so beautiful. Life is hasty, just like me and you. All these strangers working in the graveyard, lovers and haters. We must be crazy out here in the night. Show me the light before I go blind. Out here in the night. Show me the light before I go blind. Tonight the stars you walk below.